without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day, it's a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know. Ça a été compliqué, mais on a trouvé. 17h-20h, c'est le best-of de Koé sur Énergie. Le restaurant s'appelle, et là vous allez voir, la musique prend toute son importance, la gare des étoiles. Ah bah d'accord, ok. Là ça le fait mieux. La gare des étoiles. C'est énorme. Tu sais quoi, on dirait un mec qui a voulu prendre la licence, mais il l'a pas eu. Il n'a pas le droit. Il a appelé Lucas, on lui a dit non, ça va coûter trop cher, on va appeler ça la gare des étoiles. Ça passe. Avec Jean-Luc Skywalker qui va vous servir. Qui est le mec qui répond au téléphone. Est-ce que tu crois qu'on peut lui parler comme Yoda? À l'envers? À l'envers. Ah oui. Une table pour deux réservée, je souhaite. Ça me fait trop drôle. On peut. Ou alors il a de l'humour. Ou alors bon. On verra bien. La gare des étoiles. Il risque d'y avoir des jeux de mots pourris dans ce qui va se passer, je vous préviens. Oui, on va pas tout maîtriser. Bonsoir. Allô? Bonsoir, la gare des étoiles? Oui. Bonjour. Une table pour deux réservée, je souhaite. Pour ce soir? Oui. Vers quelle heure? Alors, pas trop de lumière, je souhaite, du côté obscur de la salle du restaurant manger, je veux. Du jour? Du jour, quel est le menu? Allô? Oui, vers quelle heure vous souhaiteriez? Je disais du jour, quel est le menu? Alors, il y a un petit peu de tout ce soir, il n'y a pas de plat du jour. Du faucon millenium, vous faites? La saucisse PO, vous savez? Excellent. Voilà, et en dessert, des Chewbacca à la crème, je souhaite. Vous avez. À qui ai-je l'honneur? Alors, oui, on peut. Alors, moi, Yoda. Oui. Et le petit Luc. Voilà. Hein? Voilà. Attendez, quelqu'un se rajoute. Vous êtes? Je suis ton père. Rajoutez mon père. Vir Tatooine. Ça prend combien de temps, Vir Tatooine? Combien de temps faut-il? Ça dépend par quel véhicule. Alors pour la date, j'hésite entre mercredi, Jedi, ouais, et vendredi. Ok pour tout le monde, vendredi? Oui. Ah non, on me dit que c'est le retour du Jedi, visiblement. Donc Jedi. On réveille personne là? Pourquoi? Est-ce que non, pas encore. Est-ce que Dark Vador... Elle est bonne quand même. Elle est bonne. Il n'en peut plus. Il est drôle. La gare des étoiles. Allô. Drôle. Oui, il est toujours là. Drôle. Il est coé, je suis. On est, je m'appelle Coé, on est sur Énergie, on trouvait votre restaurant, on trouvait qu'il y avait un bon nom, donc on voulait vous faire un bisou. Sur Énergie, vous êtes oui. 50 000, trop tard, c'était avant. Mon Dieu. On vous fait un gros bisou, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'il y a à manger de particulier à la Gare des Étoiles? On va vous faire de la pub quand même. Un petit peu d'andouille, un petit peu. Ah, bah oui, quand même. On est à vire, mais où on vous, où vous alimentez pas. À côté de ça. Oui, je suis d'accord, mais vous vous alimentez pas essentiellement d'andouille, il y a bien autre chose quand même. Certes. Oui, un petit peu de viande rouge, un petit peu de tout. On essaye de. Du classique de ouais, s'adapter. Voilà. Voilà. Du classique, voilà. Je vous fais un gros bisou, on vous embrasse fort. La Gare des Étoiles. Et que la force soit avec vous. Oui, et un Jedi. À bientôt, ou un Jedi, oui, c'est mieux. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait. Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer. Mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune les yeux. Pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel, oh ni d'éternel. Non, non, non, le temps d'une note passée, penser à lever sur cette lune les yeux pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire. De la hauteur, ah, ah, ceci n'est pas un au revoir, car je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire. Venir demain, oui, parce que demain nous serons là pour la dernière de la semaine. La semaine prochaine, MHD sera notre invité. On aura Ahmed Silla. Merci d'être nombreux à nous suivre sur Énergie. Merci d'être nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. On vient de passer les 2 900 000 personnes qui nous suivent sur mon Facebook Coé officiel. C'est énorme. 2 900 000, merci à vous tous. Soit 100 000 en une semaine. Hein. Soit. C'est beaucoup. C'est effectivement beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Ah ouais, c'est beaucoup. C'est trop. Vous me vérifierez les chiffres. Parce que c'est vrai. Ce sont les chiffres selon les manifestants ou selon la préfecture. C'est ça. C'est les manifestants, parce que si c'est. Non, mais 2 c'est millions beaucoup. De nous, on a pris ce qui est écrit sur le compteur. Hein. 2 oui, 900 000. Merci à vous tous de votre fidélité. Demain, on est de retour. Bisous, bonne soirée. On vous laisse avec le Rico Show. Bisous. Ah, bisous. Coé revient demain sur Énergie. 3, 2, 1. Le Rico Show. Salut à tous. Je m'appelle Aymeric Bonnery. Mon surnom, c'est Rico. Et vous venez d'atterrir dans le Rico Show. Jusqu'à 23h. Le Rico Show. Le Rico Show. Sur Énergie. Yes. Woohoo. Ça y est, on est de retour, on était là tout à l'heure, hein, jusqu'à 4h du matin, puisque hier on a fait 20h, 4h, hein, 8h de direct, et on est encore en direct avec vous, on vous lâchera pas de l'année, eh oui les amis, c'est comme ça, c'est le Rico Show. D'ailleurs vous déboulez 0800 70 42 48, dans un gros quart d'heure. On va se faire le débrief de la soirée Halloween. Et vous allez voir que le monde et la France ne tournent pas toujours rond. Il s'est passé mais des trucs tellement rigolos et insolites. Franchement, on va se marrer, restez bien avec nous. Notre canular, comme tous les jours, dans 10 minutes. Et je vais vous parler d'un dos là, qui arrive très prochainement sûrement en France et qui a démarré en Chine, qui est absolument dingue. On en parle, évidemment, on lit tout. Hashtag ricochot sur énergie sur Twitter. Ça y est les gars, c'est jour férié, on est bien, on est tranquille, on se détend, on va kiffer, on vous accompagne. On va s'écouter Vitaly Slimane, Kaiser Panda, Little Bitches. Et il y a Kenji qui arrive aussi. On va se marrer les amis. J'aime bien les jours fériés, moi, c'est un kiff. On est tranquille, on est à la cool, on est bien, on est reposé. On a passé peut-être une journée en famille. Enfin, c'est une bonne journée. Ça va, Sarah ? Bonsoir à tous. Bonsoir, Rico. Oh là là, ça y est, la journée est moins bonne. Pourquoi ? Ça va, toi ? Moi, je suis détente aujourd'hui en mode pyjama. D'accord. Cool. Voilà. Attention démaquillante. T'es encore toute blanche, Sarah ? Ah, pourquoi toute blanche ? Je trouve que t'as le teint pâle. Ah, merci. Je te retourne le compliment. T'as encore du noir sous les yeux. Je n'ai pas pris de douche. Bois de Boulogne, apparemment. Économie oblige. Non, ça, c'est pas gentil. Ça va, Sylvain ? Bah, écoute, en pleine forme. Et c'est quoi aujourd'hui ? Ouais. C'est la journée mondiale vegan. D'accord. Et pour fêter ça, ouais, je me suis fait une bonne entrecôte. C'est vrai? Ah ouais. Oh là là. Bah, je peux te dire, c'était bon. Toujours dans la provoque. Hein. Moi, je me suis fait une belle andouille. Ah non. Eh oui, t'es là ce soir. Ah, merci d'être là, mon Sylvain. Ça va, JM? Écoute, ça va au taquet. Personne sur la route, personne à la radio. C'est le meilleur d'être là, tous ensemble. Je suis trop content. C'est vrai, on va faire des cons plus que jamais. Ouais, la connerie est sortie, mon tombeur. Il a bien dormi, je pense, lui. Hein. Ah, pas oui. Beaucoup. Ah ben oui. Moins que toi. Ah bon. Oui, hier, il s'est échappé à 1h du matin. Ouais. C'est vrai. Allez, c'est le bail du jour. C'est quoi le bail du jour, mon Rico? C'est dingue. Dingue. Tout le monde en parle. C'est le bail du jour sur Énergie. Eh oui, même les jours fériés, les cons sont de sortie et appliquent des nouvelles lois. Je vous explique, ça risque d'arriver en France. On a un permis à point pour les propriétaires de chiens là, qui est en vigueur déjà en Chine. Et c'est à l'étude. On regarde ça de près, comment ça se déroule. Je vous explique, les propriétaires de chiens ont des règles à respecter pour conserver des points. Oh. Comme le permis de conduire. Eh oui, interdit dans les bâtiments, les transports publics, les parcs ou les restaurants. En gros, tu sors où ton chien, je sais pas. Une fois que t'as dit ça, je sais pas où tu le sors, sur le balcon, tu le sors où, je sais pas. Le maître est évidemment chargé de ramasser les crottes, ça va de soi. Et puis les amis, il peut perdre des points. Oui, si le chien est laissé sans laisse, c'est moins 3 points. Et si ça récidive, terminé. Oh. On confisque le chien. Ah ouais. Non, mais je vous le dis, ça peut aller jusqu'à la confiscation, ça a tout du permis de conduire. Non mais attends, mais pourquoi il n'y a pas marqué aussi interdit de le manger ? Pourquoi ? Oh non. On sait très bien. Oh non. De temps en temps. Ces propos n'engagent que toi. Ces propos. C'est vrai qu'il y a le hot dog, des fois là-bas, il est. Oh oui. Il est respecté à la lettre. Voilà. Non, je ne sais pas si c'est une coutume ou pas. Tiens, si on a des amis chinois, venez nous le dire. Voilà. 0870 70 42 48, l'appel est gratuit. Non, mais par contre, ça manque de choses là-dedans. Ouais. Ils devraient mettre les catégories. C'est-à-dire. Tu vois, par exemple, catégorie D comme les poids lourds. D'accord. Tu vois, par exemple, berger allemand, ouais, catégorie D. Ouais. Catégorie A, les petites voitures. Enfin, tu vois. Très bien. Ça changerait quoi au port de la laisse ou non? Bah non, mais comme ça, l'amende, elle est plus forte ou pas, tu vois. D'accord, en fonction de la taille du chien. Un chihuahua, par exemple, c'est catégorie B. D'accord. Voilà, tu vois. D'accord, merci Sylvain de cette intervention. Il est évidemment là pour les quotas. En tout cas, s'il y avait un permis pour Sylvain ou permis drague, tu serais poids lourd, toi. Ah oui. Ce serait la lourdeur incarnée. D'ailleurs, c'est vrai, il perdrait moins 3 points chaque fois qu'il interpellerait une nana. Ça serait pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre, tiens, au permis des lourds, là, dans la rue? La bafouille. La bafouille. La bafouille. Trois points. La bafouille, là, c'est tout de suite amende, grosse amende. Ah ouais, là, c'est clair. Le style aussi, la mode, quoi, le style ringard à l'ancienne. C'est vrai, on moins pédalise. Quatre. On moins 4 ouais, sur ça. Non, moi, ce que je ferais, tu sais, c'est sur les usagers dans le métro. Oh là c'est là. Vrai, je filerais un permis à chaque usager et en fonction de si on se tient bien ou pas, on enlève des points. Oui. Par exemple, moins 3 points pour les mauvaises odeurs, c'est pas mal. Un permis d'odeur, attends, non, un permis d'odeur avec moins 1 pour les aisselles, moins 2 pour l'odeur de la bouche. D'accord. Tu vois, il y aurait des catégories. C'est vrai. Ouais. Mais oui. Et quand t'as plus le permis, tu fais quoi? Bah, tu prends plus le métro. D'accord, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Les amis, vous déboulez. 0800 70 42 48. On va se faire le débrief d'Halloween. Le canular du jour arrive. On se met Vitaly Slimane. On est là jusqu'à 23h pour kiffer. On vous attend. Venez, venez vous amuser, les copains. Ah, le kiff. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux quand t'es pas là. ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui coffre, si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne, je te le donne, donne, donne, je te le donne, donne, donne, je te le donne, je te le donne. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui coffre, si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne, je te le donne, donne, donne, je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux. Allez, on parle du bail du jour. On se fait un bail. Tout le monde va en parler. C'est le bail du jour sur Énergie. Ouais, les amis, super content de vous retrouver. Il y a Caro qui dit c'est vraiment dégueulasse. Ce bail du jour, je ramasse les crottes de mon chien et il est en laisse aussi. C'est vrai, c'est pas mal. Puisqu'en Chine, ils ont mis un permis à points pour les propriétaires de chiens. Et les amis, si justement vous promenez votre chien sans laisse, bam, 3 points. Si vous récidivez, on vous retire le permis. Et ce qui veut dire qu'on vous confisque l'animal. Alors les amis, moi j'ai envie de construire comme ça des permis pour s'amuser. Tiens, j'aime un permis que t'aimerais construire. Eh ben moi, ça serait un permis pour les DJ. Le mec, ouais, il met une musique pourrie, moins de points. C'est vrai. Il met un truc, tu sais, vous êtes fatigué, suspension des tables de mixage. C'est bon. Tu mets fatigué. Du Bruel, 500 euros d'amende. Exactement. Bam, ça tombe. C'est vrai. T'avertis pas qu'il y a les flics en sortie de boîte de nuit. Oh là, c'est suppression de poste. On confisque les platines. Ah, exactement. Sylvain. Il prend le numéro de la meuf que t'as chiné. Ah oui. Moins 5. C'est vrai. Voilà. Et s'il va pas lui demander le numéro, il est mort. On le fume un petit peu ça. C'est pas mal, j'aime bien le délire, c'est vrai. Si je souhaite pas l'anniversaire, bim, moins 3 points aussi. On y est, les amis. Sarah. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais comme permis, toi? Un permis de fidélité pour les connards comme vous. Oh, oh. Ben écoute, personne c'est ne l'aurait. Pas mal, hein. D'ailleurs, on serait incapable de le passer, l'examen. Ouais. Moi, j'ai pas le code de bonne conduite. Quelqu'un a le code ici? Est-ce que t'as non. les feux de signalisation, quelque chose? Ah, je suis pas Sam, je peux te le dire. Ah oui, c'est. Oh non. Voilà. C'est quoi le Sam du... Ah de... ben, boire ou conduire, il faut choisir, quoi. Ah oui, oui, au niveau de la fidélité, oui, quoi. Oui, forcément. Ah, on a bien compris, attention. Moi, je bois beaucoup, moi. Ah oui, oui, j'ai compris, il consomme. Non, mais de tout, hein. Film coquin, moins 2 points. Il drague une copine à toi, moins 3. Il mate dans la rue, moins 4. D'accord. Voilà. Ok, ah ouais. Permis à proscrire, hein. Très mauvaise idée. Ouais. Très mauvaise idée, on serait tous mal embarqués. Le truc, c'est que ça serait bien pour les filles et pour les hommes. Parce que là, elle fait la fille qui inculpe les hommes, mais les filles aussi. Imagine, ben, c'est pareil. Tu parles, tu regardes le cul de mec, et ben bim, moins 6 points. Voilà, bam, ça tombe. Voilà. On ne regarde pas, nous, on est fidèles. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu fais pas l'amour, moins 2 points. Ouais. Ah merde, je l'aurais perdu il y a bien longtemps. Sylvain. Tu regardes les beaux mecs sur Instagram, moins 6 points. Voilà. Et alors, tu mets des ballerines, moins 4. Ah, merde. Ça tombe, oui, ça fait partie de cette fidélité. Hein. Elle est grande. grande, hein. Il est beau ce permis, je l'aime bien. Je l'aime bien. Les amis, on vous attend 0870 42 48 avec vos permis. Et le canular arrive dans 2 minutes. Il y a Joël qui est là. Ça va mon poulet ? Ouais, ça va mon maître Rico. Ça va ? Ça va ? Comment tu vas mon Joël ? Et un gros bisou à ma chérie Sarah. Ah, bisous mon chéri. On est intime apparemment. Je vais te dire, ça va Joël, t'es en forme? Oui, ça va doucement mon petit Rico. Puis je suis content de t'avoir au téléphone. T'es vraiment un super mec. Ah c'est gentil ça Joël, ça me fait plaisir, t'es un amour. Oui, t'es vraiment, j'aimerais bien arriver à pouvoir t'avoir en face de moi pour te serrer une grande poignée de main. Ah bah moi ça me ferait plaisir, je te ferai une belle bise mon Joël en tout cas. Franchement, quelle bonne humeur, quelle sympathie. Joyeux Joël, hein, Joël. Ouais, bon. Alors, allez, ça tombe, il m'inspire, c'est comme ça. Joël, on crée un permis de conduire ensemble, t'aimerais un permis de quoi, toi ? Ah ben moi, écoute, moi je mettrais un permis de conduire pour sur les tous ceux qui passent des nombres d'heures sur les portables. Ah oui, c'est insupportable. Ah oui, Joël, tu les vois tous ces couples qui sont au restaurant, ils se regardent pas, ils sont sur les téléphones. Qu'est-ce qui se passe ? 3h, 4h, 5h, 6h. Ah oui. Je me demande ce qu'ils peuvent faire là-dessus. Ah ça me révolte. Qu'est-ce que tu fais là-dessus, Sarah ? C'est vrai, mais même le soir, au lieu de regarder un film avec mon mec, il est dans le salon, moi dans la chambre sur mon téléphone, c'est vrai. Mes réseaux. Et même il y a des personnes qui font les deux, ils regardent un film et ils sont sur Insta. Ouais. Non mais c'est ouf. C'est-à-dire que t'es là et puis à un moment donné t'es aussi sur Twitter sur la tablette. C'est ça. Les mecs ils tweetent pendant le film. Putain. Moi déjà j'arrive pas à comprendre le film. Comment le mec il fait pour tweeter et comprendre le film? C'est vrai. Il fait un commentaire, il loupe la scène d'après. C'est ça. Et après il retweet pour dire j'ai pas compris. Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer. La scène précédente. Non c'est vrai Sylvain. Non mais c'est vrai. Et même dans les cinémas. Ouais. Tu sais maintenant t'as les mecs qui sont dans le, ils regardent le film. Ouais. Et ils screen en même temps sur le cinéma quoi. C'est vrai, c'est pas et beau. Donc t'es comme un con. C'est vrai, je suis d'accord. Ah non, c'est vrai, c'est une galère. C'est l'horreur. Moi, Joël, t'as du problème avec le téléphone. T'es à l'aise, toi, sur le téléphone ou pas, Joël? Ah ben moi, excuse-moi, mon petit Rico. Ben, moi, comme je t'explique à la radio, bon, moi, j'ai pas ce problème-là avec les portables parce que malheureusement, je suis non-voyant. Ouais. C'est peu difficile. Là. Ah bah écoute, c'est vrai. Et c'est là que tu te rends compte que du coup, les liens sont modifiés. Ouais. C'est vrai que toi qui es non-voyant, voilà, t'as l'impression que les gens, ils sont toujours sur leur téléphone, là, et à pas profiter de la vie, à discuter, à écouter. C'est vrai. Et toi, tu dois le ressentir deux fois plus, du coup, mon Joël. Ah, moi, je le ressens beaucoup plus parce que, bon, ben, je ne sais pas quelquefois ce que je peux faire dans ma journée, à part rester assis et écouter par intermédiaire des oreilles. Ouais. Et bon, c'est très très très dur de vivre comme ça. Bah ouais, mais c'est parce ouf. Que moi, avant, je voyais clair, donc c'était beaucoup plus facile. Tandis maintenant, bon, ben, parce que j'ai une opération là qui va peut-être se réussir. Ah bah on croise les doigts, mon Joël. Le 27 novembre, je me fais opérer. Eh bah écoute, on pense à toi, mon Joël. Tu sais qu'on croise les doigts pour toi et j'espère que ça va bien se passer le 27. Mais c'est vrai que t'as vu que du coup, il le ressent plus. On est toujours sur le téléphone, là. J'en peux plus. D'ailleurs, il y a Florence Foresti qui s'est lancée dans une nouvelle mission, faire la guerre au téléphone portable. En fait, l'humoriste, elle a décidé d'arrêter ça et elle va brouiller toutes les images. Vous allez voir, ça va être un truc de ouf avec un nouveau dispositif. Elle veut faire ses spectacles tranquilles et que les gens ne soient pas sur téléphone pendant les spectacles parce que ça la déconcentre. C'est vrai, c'est terrible. C'est n'importe quoi. Pourquoi ? Mais imagine, t'as un appel urgent pendant son spectacle, c'est pas la reine du monde. Si, tu peux sortir en fait. Ah, donc tu dois attendre de sortir, etc. Imagine, t'es en danger dans son truc de spectacle. Bah écoute, il y a toujours des solutions à tout. On verra bien. Mais en même temps, excuse-moi, moi je suis allé voir un spectacle samedi soir. L'artiste il s'est arrêté 3 fois parce que des mecs ils filmaient. Respectez les types aussi. T'es une artiste, ça devrait pas te plaire. Non, toi. Moi j'aime bien. Cherche du follower aussi, tu vois. Les gars, c'est sa seule visibilité. Allez les amis, on est avec vous jusqu'à 23h. Mon Joël, merci d'être passé mon petit poulet. Oui, je te fais un gros bisou mon petit Rico. Et un gros bisou à Sarah et à Monsieur Potin. Et à surtout celui qui fait le taxi. Très beau. Ah ouais, Malik, on l'embrasse. Et à qui le Marseillais aussi. Merci, c'est gentil. Hey, mon Joël, on t'aime très fort, je te fais plein de bisous. À très vite Joël. Et vous me rappelez quand vous voulez. Hein. Ah bah ciao. Écoute, incessamment sous peu. Hein. D'accord, et je suis très content que vous puissiez m'appeler. Et s'il faut refaire quelque chose à la radio, je suis là pour vous. Ah bah écoute, Joël, merci d'être là. Et nous aussi, on est là pour toi. Bisous, mon Joël. Quel bonheur de vous avoir. Salut. Franchement, il est d'une gentillesse. Oh là là, je suis content. C'est le jour férié, on est tranquille, les amis. Le canular du jour arrive. Et puis, on va faire un débrief de tout ce qui s'est passé pendant Halloween. Il s'est passé des trucs de gueudin, les amis. Vous allez halluciner. Le monde part en coucouille. Allez, les amis, on revient juste après la toute petite pub. Allez. Y'a rien, y'a que dalle, on y va. Faux stars préférées reviennent tout à calme. Hello everybody. Le 10 novembre. Pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Welcome to the Votez

Vraiment, continuez comme ça, les gars. Grâce à vous, on fait des émissions. On se régale. Hein. Sur Twitter, hashtag Ricochet sur Énergie, on lit tout, évidemment. Sarah, JM et Sylvain sont là. Il y aura aussi le VTC de la peur. Vous allez voir que Malik va récupérer un client. Il allumera la radio, on annoncera qu'il est recherché. Mais ce soir, il a la gueule de bois de la veille. Hein. Il se souvient de rien. Et croyez-moi, il a commis nombre de méfaits. On va se faire le canular du jour. Et on s'écoutera aussi Kaiser Panda. Les Love Beaches et Kenji. Allez, c'est l'appel police, c'est un de nos meilleurs canulars et c'est maintenant. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du canular, le canular du jour sur Énergie. Et c'est Florian qui va piéger sa maman. Il s'est fait arrêter par la police dans un parc et il avait des objets coquins. Alors c'est simple, soit sa maman me dit que les objets coquins lui appartiennent et du coup je libère son fils. Parce que à ce moment-là, il n'aura pas volé des objets pour les revendre puisqu'il n'a pas de facture sur lui. Ça va mon Florian ? Ça va être Rico, salut l'équipe. Écoute, en pleine forme, t'as déjà la voix de la garde à vue, c'est bien. Grave. Je sens que t'es chaud, mon Flo, qui a 18 ans et qui habite dans l'Ardèche. Il y a un parc à côté de chez toi où j'aurais pu t'arrêter ou pas, mon Flo ? Ouais, le parc Babouin. D'accord, le parc Babouin. Eh bien, écoute, ça représente bien les personnes que nous sommes. Je pense qu'on s'est bien trouvé sur cette histoire. Vraiment, c'est un zoo, cette émission. Ouais. Donc, on est bien. Ok, mon Flo, je vais appeler ta mère. Est-ce que tu penses qu'elle va dire que les objets coquins que j'ai trouvés sur toi, eh bien, lui appartiennent pour te permettre de sortir de garde à vue ? Ça pourrait, mais elle pourrait aussi péter un câble. D'accord, ok. Ta maman qui s'appelle ? Michaela. D'accord, d'accord. Eh bien, écoute, on va l'appeler. Jolie, non, un Garbarini aussi. On aime bien. T'es de la mafia corse, Florian, faut le dire tout de suite. J'ai pas envie d'avoir de soucis avec ta mère. Non, ça va. J'ai des origines corse italiennes. D'accord, d'accord, ça va. C'est ça pire va. L'italien. Oui, le mélange des deux, c'est sympa. Voilà. C'est un cocktail qui peut nous faire peur. Ouais. On annule le canular. Ouais. Je rigole évidemment, on adore les Corses et l'Italie. C'est prêt, mon Florian, on y va. J'aurais besoin de toi à un moment donné pour me crédibiliser. N'oublie pas que t'es en garde à vue et que tu veux absolument qu'elle dise que les objets coquins retrouvés sur toi dans le parc, eh bien, lui appartiennent. Sinon, ça veut dire que tu les as volés. Ok, mon Florian ? Pas de soucis, ça roule, Rico. C'est parti, on y va. Allô ? Oui ? Oui, bonjour, madame Garbarini. Oui, je me sens pas mal, ça grésille, oui. Je vous appelle, je suis monsieur Latour, officier de police judiciaire. Je vous appelle parce qu'on a interpellé votre fils il y a quelques minutes. Alors, en fin de compte, on a procédé à un contrôle, hein, vous le savez, sur le parc Babouin. Il était avec des amis, évidemment, et puis on a retrouvé des objets avec lui, avec des étiquettes, et ça donnait à du recel. Voilà. Du recel de quoi ? Mais qu'est-ce que vous me racontez ? Il était censé être chez sa marraine à Gap, et il a pris le 73. Ouais, non. Bah écoutez, peu importe ce qu'il avait prévu, moi je l'ai intercepté là sur le parc Babouin. Je suis avec lui, il est actuellement en garde à vue pour ses objets. Alors en c'est garde pas là. À vue ? Oui, il est actuellement en garde à vue. C'est quoi ces objets Ben, en fin de compte, je vous explique. Il était en détention de plusieurs objets coquins. Je comprends pas. Alors, moi, la question est la suivante. Votre fils m'a dit que ces objets vous appartenaient, en tout cas qu'il appartenait à ses parents. Voilà pourquoi je vous appelle, pour m'en assurer, tout simplement. Mais bien sûr, des objets coquins. Alors, parce que moi, j'ai jamais eu d'objet coquin, moi. Alors, je vous explique. Moi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il fait l'objet d'une enquête. Sa garde à vue peut se prolonger jusqu'à 72 heures. Et puis après, il peut être déféré pour du recel. Déféré pour obtenir des objets coquins ? Bon, alors, je vous explique. Le fait est que si ces objets, effectivement, vous appartiennent, il a le droit d'avoir ces objets avec lui. Et moi, je suis là pour vérifier son alibi. Donc, si je vous appelle, c'est pour savoir si, effectivement, ces objets vous appartiennent d'une manière ou d'une autre. Alors, ils ne m'appartiennent pas. Il y a autre chose à faire que prendre des minots qui vendent des objets coquins. Voilà. Madame, vous n'allez pas m'expliquer mon métier. Donc moi, si je vous appelle... Mais je vous l'explique pas, le métier. Vous avez intérêt, madame Garbarini. Vous avez intérêt. Moi, ma question, elle est simple. Soit je le libère de la garde à vue, mais pour cela, je dois faire un procès-verbal au procureur signifiant qu'effectivement, ces objets vous appartiennent. Et dans ce cas-là, il ne risque plus rien. Ma question est simple. Est-ce que ces objets coquins vous appartiennent ? Eh bien, dites qu'ils m'appartiennent, voilà. Très bien, on va faire la liste ensemble. Alors, qu'est-ce que vous faisiez avec la cravache que votre fils détenait ? La cravache ? Ben, je fouette mon compagnon, voilà. D'accord, je fouette mon compagnon. Mmh. Très bien, qu'est-ce que vous faisiez avec les menottes fourrées, madame ? Ben, je l'attache au lit. Très bien. Votre compagnon, toujours ? Toujours, ben, bien sûr. Pas mon chat ni mon chien. Hein. Très bien. Écoutez, madame, faites preuve un petit peu, s'il vous plaît, de discipline. Hein, c'est gentil. Essayez. Qu'est-ce que vous faisiez avec la plume de paon que possède votre fils, où il y a gravé plume au cul. J'aimerais beaucoup, c'est la marque plume au cul, j'en apprends tous les jours. La marque plume au cul ? Ouais, j'en apprends tous les jours. Voilà, ben vous avez votre réponse. Je l'ai mis au cul. Pardon ? Eh bien, la plume, je lui mets au cul. Très bien. Un instant, madame, un instant. Oui. On va vous confronter avec votre fils, hein, rapidement, on va enregistrer la conversation. Vous allez vous mettre d'accord sur vos deux versions et puis je le libérerai, d'accord ? Pourquoi ? Ah, vous allez me le passer ? Oui, je vais vous le passer, exactement. Je vais le passer, moi, un savon. Ouais. Allez-y, passe-moi-le. Ramène-moi le gamin, là. Oui. Héloïse, va me le chercher. Allez, tiens, prends le téléphone, parle à ta mère, vas-y. Ouais, non, dis que c'est à toi, s'il te plaît, j'ai envie de sortir, j'en peux plus. Dis que c'est à toi, s'il te plaît. Mais dis tu sais quoi ? Là, j'en mais peux tu... plus. Tu en peux plus, mon couillon ? Tu en peux plus, mon couillon ? Mais qu'est-ce que tu foutais au parc Babouin ? T'étais pas censé être chez ta marraine ? Mais non, mais dis-leur... Tu vas dire, tu prends le 73 et le train, tu me prends pour un con ? Tu fous quoi avec ces marchandises, là ? La plume, je te la fourre dans le nez, tu vas voir, je te la fais ressortir par les fesses. Tu me prends pour un con ? Non, allez, s'il te plaît, mens, putain. Allez, s'il te plaît. Tu vas arrêter toutes conneries ? Depuis quand tu fais ça ? Oui. Je sais pas, mais sors-moi de là. Ah, tu sais pas. Madame. Oui. Je vais vous dire un truc. Vous êtes fait piéger. Hein ? Vous êtes en direct sur Énergie ! Ouais ! Je m'appelle Émeric Bonnery, c'est Éric Cochot sur Énergie, 20h, 23h, et Florian vient de vous piéger ! Ouais ! C'est les objets coquins, ça. Ouais, c'est ça. C'est une vanne. Allez, on vous embrasse tous les deux, on prend vos coordonnées. À bientôt. Énorme en jour férié, ça fait toujours plaisir. Quand son gosse est en garde à vue, quelle barre de rire. Bravo à mon Florian qui a été énorme. On va faire le débrief d'Halloween. Il s'est passé des trucs complètement fous. Et puis vous allez voir que McDo est peut-être bon pour la santé. C'est ouf, hein. On en parle. Fiesta ti te llama, suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer, si no pues tú dos ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque, de noche me flow como Yandel. Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita. Dándame, dándame, dándame, dándame. La gente quiere vacilar con tus amigas en el barrio. Guaraná, rumba y tequila. Déjate la tres mamacita. Todo el mundo quiere, toda la mami no quiere. Sé que prefiere, mami tu huevo no miente. La gente mecha, Bogotá para rumbear y Bogotá para danzar. Hemos llegado todos ya, Vipura y en el oriente. Todo quiere fiesta y bailar. La gente mecha, la gente quiere fiesta y rumba. Ya la vea, quiero el ritmo sin ley. El papi pura, vamos a romper. Hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta en Venezuela que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta en Venezuela que lo muevan. Con las manos para arriba, siente el ritmo, mamita. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil hasta Panamá, Puerto Rico. México también lo sienta y Venezuela que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo muevan. Que lo ve. Un, dos, tres, go. Que lo ve. La Hindi Mashup. Allez les amis, on fait le débrief de la soirée d'Halloween. Rico Show. Rico Show. Rico Show. Le Rico Show. C'est votre émission. Tous les soirs. 20h-23h. Avec Aymeric Ponnerier. Sur Énergie. Eh oui les amis, on est avec vous. Et vous avez adoré ce canular du jour. L'inspecteur énumérant la liste des objets, c'est quelque chose, nous dit Betty. C'est vrai qu'on s'est marré. Alors les amis, si vous avez été témoin d'un truc complètement fou, là durant cette soirée d'Halloween hier soir, vous venez 0800 70 42 48. L'appel est gratuit, on vous attend et on veut entendre un petit peu vos soirées complètement folles. Je peux vous dire que comme d'habitude, malheureusement, les forces de l'ordre ont un petit peu chargé. Ah, ah ouais sûr, évidemment. Ah bah oui, ça n'a pas été une soirée de tout repos. Parce que les comportements avec la fête, avec les soirées, amènent des délires. Alors, je vous ai sélectionné les trucs les plus marrants. Ouais, d'accord ça va. Ah, on va pas s'angoisser, c'est jour férié, on est tranquille, on est là pour se marrer. Vous avez déjà eu comme ça, été confronté avec la police le soir d'Halloween, avec des déguisements, des petits trucs. Ah, des déguisements. Ah, mais oui. Moi, hier soir, en rentrant dans mon parking, j'ai croisé mon voisin. D'accord. En fait, voisin de palier, très sérieux, marié, bon costume, sous tout rapport. Bon sous tout rapport, le d'accord. Mec. Et tu sais quoi, je suis dans l'ascenseur avec lui, il essayait de cacher un truc. Non. Écoute-moi bien, il avait une fourche. D'accord. Avec une queue, un masque bizarre de soirée échangiste, avec un petit peu de rouge à lèvres genre sur la bouche. Le mec, il sortait d'une de ses soirées, je te dis. Une queue, une fourche. Oui, il t'a enfourché. Il a pas réussi. Tu sais, l'inspecteur a deux balles. Tu sais. J'ai mené l'enquête. Une queue, une fourche, il vous a enfourché. On est d'accord. Non, mais c'est ouf, hein. Ah ouais, non, les trucs, trucs complètement dingues. Ouais. Eh ben, les amis, il y a eu une petite provocation hier qui m'a fait un petit peu rigoler, mais c'est vrai qu'il faut toujours respecter les forces de l'ordre. Mais je pense que le gars avait fait un petit peu trop la fête. En fait, il a vu les policiers et il a souhaité imiter un cri. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait devant les policiers? Un petit cri, un truc pour les embêter, ouais. Sylvain? Bah, la poule, quoi, forcément. Ah ouais, on sent que tu l'as déjà fait. C'est pas vrai. C'est vrai, le gars est arrivé et puis il a imité le cri de la poule devant les policiers. Et évidemment, il a fini au poste. Ah ouais, et, pour ça ouais, c'était Halloween dans la garde à vue. On l'a tous fait. Ils ont raison de pas se laisser non plus trop emmerder. Ouais. On l'a tous fait. Moi, je passais devant eux, je disais 5 nuggets, s'il vous plaît. Non, je te jure. Avec la sauce barbecue. Oui. C'est pas vrai. Bah oui. C'est énorme. Moi, c'est arrivé un jour, j'avais sympathisé avec des policiers, je leur paye un coup et tout, on boit un coup, on discute. Ouais, c'était en fin de service. Ah d'accord. J'avais des choses à leur demander. Et du coup, on boit un coup et à la fin, tu vois, ils s'en vont et puis eux, ils s'en vont de leur côté, ils sont encore en tenue. Et je leur dis salut les poulets, tu vois, mais en mode les potes, tu vois. Ah, oui. Et il y avait une bande de jeunes qui étaient là, ils ont fait oh, tu connais les mecs en graines et tout. Et les pauvres, ça, ils sont, tu vois, et eux, ils étaient gênés. Parce que en même temps, ils devaient m'arrêter pour montrer un peu l'exemple. Parce que tu sais, c'est un petit village là, là où j'étais, donc tout le monde se connaît, tu vois, les gendarmes là-bas, tout le monde se connaît. Et en même temps, ils voulaient pas le faire parce qu'on venait de se boire un coup. Ça. Et moi, je l'ai dit tellement, tu sais, je dis mon petit poulet à tout le monde. Et j'ai créé écoute, ils sont partis, ils m'ont laissé. Ah. Mais je pense qu'il. Voilà, il fallait pas qu'ils se concertent trop longtemps, Sylvain. Ils t'ont pas dit salut le connard, le connard. Ah, oui, le connard. Oui, d'accord, merci Sylvain. On coupera ça au montage. Ça sera pas mal. Je sais qu'on est en direct, mais on essaiera de couper ça au montage. Il est fou ce gars. Dans le style, j'avais un pote, il était flic dans le sud, dans mon village, tu vois. Et à un moment, je le vois avec ses deux collègues de patrouille, il s'arrête à la rôtisserie, tu sais. D'accord. Et moi, je regarde, alors les gars, on retourne à la maison. Non. Et mon collègue, il a rigolé, tu vois. C'est parce que les deux autres, ils ont commencé à dire bon et tout, qui vous êtes, tout ça. Arrête. Et mon pote, heureusement, il a calmé, il a fait les gars, c'est bon, c'est un pote et tout. Ils prennent la merde, ils l'ont mal pris. C'est pas vrai. Moi, ça me rappelle un dos, j'étais justement, tu sais, au ski, en vacances avec l'UCPA, là, je vous ai raconté. Et du coup, en fait, c'est un truc du ministère, donc t'as souvent des fonctionnaires. Puis j'arrive, il y avait des jumeaux, tu vois, des grands d'un mètre 90 comme ça, et puis moi pendant tout le séjour au ski, quand je passais, tu sais, en télésiège, etc., et je les appelais les grandes sarcelles. D'accord. Grandes sarcelles, c'est du gibier, quoi. Toi. Oh, les grandes sarcelles! Putain, les deux types, un soir, ils sont arrivés, ils en avaient marre. Ils disent les branleurs comme toi, les côtoient tous les jours. Maintenant, nous, on bosse dans la BAC. Ah merde! C'était des mecs de la brigade anticriminelle, je veux te dire qu'ils voulaient me mettre dans l'égout. Ils en pouvaient plus! Ça faisait 5 jours que je leur disais allez grande sarcelle. C'est pour les vanner, tu vois. Ouais, on se chambre, c'est comment c'est esprit rugby quoi. Ah, oui. Et les gars en fait, ils avaient pas trop l'habitude de se faire chambrer quoi. Ah, à un moment donné, j'ai cru qu'ils allaient mettre le pince. Ah moi je t'aurais embarqué. Hein. Ah ouais. Ah bah oui, direct. C'est vrai. Bah bien sûr. Ça aurait pu me plaire. Moi si j'avais été keuf, je t'aurais embarqué il y a bien longtemps déjà. Il y a bien longtemps. Ah je te jure. Ah ouais, en dégrisement. Allez les amis, vous débarquez 0800 70 42 48, vous l'avez compris, on débriefe cette soirée Halloween complètement folle les amis, et j'ai encore du très très lourd. Alors si vous avez été témoin, vous venez vous amuser avec nous, 0800 70 42 48, le VTC de Malik arrive, later bitches. What the hell do you mean I've gotta wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. On débriefe d'Halloween. Halloween. Halloween. Ah, quand tout va bien, il y a tout le monde. Mais quand ça ne va pas, il y a qui? Eh ben personne. Ah si, si si, eux ils sont là. Le Réco Show, 20h-23h. Sur Énergie. Eh ouais les amis, on vous attend et on fait le débrief d'Halloween. Il s'est passé pas mal de choses. Et autour de nos amis policiers, j'ai encore un petit dos là dont je vais vous parler. Eh oui, ça tombe. Et puis après, je vous parlerai de certaines news qui paraissent pour des farces d'Halloween, mais qui sont bien réelles. On va en discuter tous ensemble. Ophélie est là, elle a fait le 0800 70 42 48. Ça va Ophélie? Hello tout le monde. Ça va, t'es en forme? Ça se passe bien sans lice? Ça. Ça va, ça roule, on a du réseau, ça va? Ouais, c'est vraiment, y a impeccable. Non, non, j'ai cru qu'on t'avait perdu. Ah, Ophélie, ça s'est bien passé ton Halloween? T'as fait la fête, t'es sortie? Ouais, super, j'ai fait une fin entre potes hier sur le déguisé avec élection du meilleur costume et tout. Waouh! Et alors, t'as gagné? Non. T'étais pas toute nue, c'est pour ça. Qui a remporté le meilleur costume? Tiens, ça m'intéresse, c'était qui? C'était une nana qui avait un costume marinière avec des blessures de partout, les yeux rouges et tout. Wow. C'est vachement gore, mais tellement bien fait. Ah ouais, elle avait tout misé. Bah, c'est cool, c'est ah sympa voilà. Ça. Ah ouais. Bon délire, moi j'aimerais bien ça. Pourquoi moi on fait jamais ça, nous? De concours de costumes. Ouais, c'est sympa. Déjà, on sait pas se fringuer de base, alors imagine les costumes. C'est vrai qu'on est un peu déguisé tous les jours. C'est vrai que nous, tu sais, on pense déjà à se couvrir, Ophélie. Et la mode, c'est après, quoi. Tu vois le délire. Déjà, on veut ne pas avoir froid, quoi. C'est ça. Ophélie, tu sais, la police, là, ça a été chaud pour eux, un petit peu. Alors, j'ai pris des trucs un peu rigolos. Ouais. Et en fait, ils sont déplacés pour rien. Ça t'est déjà arrivé, toi, Ophélie, de faire déplacer, malheureusement, les forces de l'ordre ou quoi, pour rien? Genre, un mec qui répond pas, t'appelles les pompiers, tu crois qu'en fait, il est décédé dedans alors qu'il est avec une ex. ça t'est déjà arrivé, ce délire-là, Ophélie, ou jamais? Franchement, non, malheureusement. Après, j'ai déjà intervenu sur des accidents, c'était un peu chaud. Après, j'ai déjà composé sans faire exprès le numéro de la police. Ouais. Là, ah ouais. J'ai tendu. Genre, j'étais en film, je dis, oh là là, mais qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai composé pour rien avec eux. Les gars ont entendu que j'allais faire de la salade ce soir. Quelle angoisse, ma vie! Non, mais c'est vrai, des fois, tu te dis, les gars, écoute. Non, mais là, c'est un petit peu ça, c'est ce qui s'est passé. En fait, on a une personne âgée, qui était justement dans un EHPAD, donc dans une maison de retraite, et il voulait changer de chaîne. Et en fait, il s'est trompé, il a pris le téléphone. Ouais. Et il voulait mettre la 17, du coup il a appelé la police. Voilà. Sauf qu'en fait il regardait Louis la Brocante. Vous savez, Louis la Brocante, c'est chaud quoi, les gars. Ouais. Ils se mettent des coups de casserole et tout. Hard. Et les gars, les brocanteurs, les gars, quand il faut chiner, je sais pas vous, mais. Non mais pour de vrai, moi j'ai fait les brocantes, je te jure c'est des caïras. Je te jure, à 6h du mat, écoute-moi bien, je déballe mon truc, je me tourne 2 secondes, je me retourne, genre il y a 100 personnes autour qui arrachent mes sacs. Grave, enfin, c'est des caïras en brocante. Ah ouais, la poêle à frire de 34. Mais oui, je te jure. Je l'ai pas. Alors ça, Janine me l'a piqué semaine dernière. Je la laisserai pas passer. Ah non, mais les emplacements, pareil. Ah ouais. Le mec qui pique ton emplacement, ah, c'est mais c'est un coup de tabouret qui se t'a poussé, les mecs. C'est pas vrai. Ah ouais, je te jure. Non, mais c'est dingue, c'est vrai. Attends, l'emplacement, c'est le truc primordial, tu vois. Ah ouais, c'est ouf. Si t'es vers l'église, si t'es vers la boulangerie, c'est important, tu vois. Moi, j'ai fait la braderie de Lille, c'est terrible. Ah ouais. C'est sympa d'y aller. C'est sympa d'y aller. Mais c'est vrai qu'après, les petites brocantes un peu confidentielles, quand t'as les étalages qui sont faits, les gars peuvent se battre. Ah ouais, en plus, l'heure de pointe pour ces brocantes, c'est entre 7h et 9h. Ah ouais. T'arrives après, c'est fini, t'as perdu les bonnes affaires. Est-ce que tu chines un petit peu, toi, Ophélie? Non, j'ai fait une brocante une fois, j'avais fait une nuit blanche, ça a été l'horreur. Ah bah écoute. Depuis jamais. Ah ouais, c'est vrai? Putain, à ce point-là. Mais parce qu'elle, elle les faisait, moi je les faisais, j'étais inscrite, je vendais mes trucs. Tain, c'est vrai. Genre pendant 4 mois, j'ai fait des brocantes tous les matins. On embrasse tous ceux qui font les marchés, c'est chaud. Les marchés, c'est chaud. Sylvain, ça chine un peu? Moi j'aime chiner, mais les meufs, quoi. Ouais, c'est gentil. C'est gentil pour elle, c'est gentil. Merci Sylvain. Il est con celui-là. Franchement, Ophélie, lui, je crois que Dieu, quand il a créé, voulait nous emmerder. Tu vois, c'est comme ça. Eh bien, le gars, il a changé de chaîne, il a mis Louis à la brocante. Ouais. Et en fait, il y avait une scène d'action, ça arrive. Et en gros, eux, ils ont cru qu'il se passait un truc dans la chambre à cause de Louis la brocante, s'il te plaît. Les gars étaient persuadés qu'il se passait quelque chose de pas bien. Et en fait, ils sont arrivés, le vieux dormait tranquillement devant Louis la brocante. Et ils sont aperçus que dans la main, il avait le téléphone à la place de la télécommande. Le pauvre. C'est bien, ils sont efficaces au moins. Ils sont efficaces. Et ils sont venus, tu vois, c'est bien. Ils l'ont pas laissé en galère. Et en fait, les bruits qu'ils entendaient, pensaient que c'était une dispute. En fait, c'était Louis qui était en train de s'embrouiller pour avoir le dernier poil à la mode, Sylvain. Mais t'imagines, le mec, par exemple, il regarde la Casette del Papel. Là, en mode braquage. Ah bah, j'imagine. Et l'autre, le raid qui arrive carrément. T'as le GG qui arrive, putain. Bougez pas. Oh l'horreur. Allez, Thiago, Kenji, les amis, il y a du lourd. Je vais vous parler de toutes ces news qui paraissent pour des farces d'Halloween, qui sont tombées pendant Halloween pour nous distraire, tu vois. Mais qui sont réelles, on en parle. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. De toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans, tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai veux plus. Mon ami, mon ami, mon ami Thiago. Mon ami, mon ami, mon ami. La copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon d'Halloween. Rico Show. Rico Show. Rico Show. 20h, 23h. Connectez-vous. Le Rico Show débarque. Eh oui, les amis. Tiens, dans 5 minutes, on va faire le jeu de mille et une voix. Sarah contre moi. On va appeler un réceptionniste d'un hôtel et on va devoir placer un maximum de voix. En fait, on va faire comme si on passait le téléphone à plusieurs personnes. Ouais. Et on va voir quelle histoire on arrive à créer et le nombre de personnes qu'on arrive à incarner sans que le réceptionniste s'en rende compte. Ah bah d'accord, oui, c'est le but. Ça va être complètement ouf, les amis. C'est... Restez bien là, c'est souvent une barre de rire. Ok, il y aura le VTC de la peur avec Malik qui va récupérer un client. Il est en gueule de bois par rapport à Halloween, les gars. Hein, et quand il va allumer la radio, on va annoncer qu'il est recherché. Lui-même n'est pas au courant de pourquoi il est recherché. Oh hein, il a commis des méfaits hier, mais il était tellement cuit qu'il... Voilà, avec modération, hein, les gars. C'est pour ça qu'on le fait. Hein. C'est pour vous dire qu'il faut, avec la modération. je vous le dis. Ophélie est là, elle a fait le 0870 42 48. Elle s'amuse avec nous. On débriefe d'Halloween tranquillement. Ophélie, oui. Dis-moi, le tombeur, tu l'aimes bien, Sylvain? Commentaire. Bon, d'accord. Alors, également. Non, t'as pas demandé ton avis. J'adore. Également. Si tu viens de faire un commentaire. Oui. Il est neuneux celui-là. Ophélie, raconte-moi un petit peu, Sylvain, s'il faisait pas de la radio, tu le verrais faire quoi? Tiens, une reconversion, raconte-moi. Bon, pourquoi pas vendeur chez McDo ou un truc comme ça. D'accord, alors on va parler de McDonald's, ça pourrait lui aller. JM, je sais pas, moi je le verrais bien berger. Berger avec les biches, tout ça. D'accord. Alors moi ce qui m'inquiéterait c'est que brebis, berger avec les biches. Ouais, les brebis plutôt. Je voulais dire, ouais, je me trompe, avec les brebis. Avec les biches. Il serait là en train d'avoir le lait, tu sais. Le problème avec les brebis c'est qu'au début il commencera à discuter avec et puis quand il en aurait marre de discuter avec, je pense qu'il pourrait câliner ensemble. Ouais, il est tellement neuneux qu'à un moment donné il se prendrait pour un bouc. et je ne veux pas infliger ça aux brebis. Croyez-moi, jamais. Alors j'ai une idée, Ophélie, et ça vient de tomber. Ah. Non mais c'est très sérieux. Puisque le nouveau ministre de la culture au Brésil, ouais, hein, est un ancien acteur de films porno. Non, bah, mais non. Alors je me dis que peut-être Sylvain pourrait investir eh bien un ministère. Mais non, mais il a fait des films porno, Sylvain. Non, mais par contre il a l'allure, il s'est quand même mis nu dans les dieux ah, du oui, stade. C'est vrai. Ouais. C'est donc je me dis tiens, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de fonds quoi pour être ministre aujourd'hui de la culture, Sylvain. Ah ben je leur apprendrai des trucs, moi je peux te dire. Ah ouais. Et je peux dire que les programmes TV, ce serait différent avec moi. Ah oui, quelle serait ta première mesure à la culture? Les interdits mois de 16 ans, je les mettrais interdits mois de 10 ans déjà. Ah bon. Mais t'as pas. C'est bon, tu viens de niquer ta carrière. C'est bon. Sérieux? Bah c'est vrai. Et ben attends, faut qu'ils apprennent, les gamins. Bah oui. Mais c'est dégueulasse. Mais t'apprends pas en plus dans les films porno, neuneu. Bah. Quand t'es en SVT, c'est à quel âge que t'es en SVT? Mais en SVT, tu dis c'est que des grenouilles, banane. Ouais. Bah non, la reproduction des animaux. T'as jamais vu ça? Non, mais non. En SVT, on parle un petit peu d'éducation sexuelle, voilà, à partir de la vite 4e. Fait, ouais, on a 13 ans. Ouais, 13 ans. 13 ans, 13 ans, c'est vrai. Merci, Sylvain. voilà, nous voilà rassurés. Voilà ce qui va se passer au Brésil. Je vois pas. Je vous dis, le gars au Brésil n'est pas plus fufu que Silva. Mais non. Non, c'est sérieux, ancien acteur porno, vous savez qu'il y a un nouveau président là-bas. Ouais, et lui, chaud. Il a décidé que les Brésiliens pouvaient se défendre eux-mêmes. Hein. C'est pas une vanne. Hein. Ah ouais. Sylvain. Donc, c'est-à-dire que quand t'es acteur porno, t'es teubé alors. Non, mais non, bah mais, si, t'avais dit ça. Mais non, c'est pas ça, oh, Sylvain. Ne lui fais pas dire oh là ça. Là, je vais pas me mettre à défendre les acteurs porno à cause de ta phrase là. J'ai pas envie. J'ai pas envie de défendre les acteurs porno là. Tu m'emmerdes. C'est juste qu'un acteur porno, il a pas fait HEC ou l'ENA ou l'entreprise ou quoi que ce soit d'un peu plus. Voilà, pour diriger un ministère, bordel. Ouais, ouais. Hein, ouais, je sais pas. Ouais. Hein, je vais pas me mettre à défendre les acteurs porno là. J'ai vraiment pas envie. Pas un jour férié, c'est pas. Me force pas à le faire. Non, mais il est fou. Je les aime beaucoup, les acteurs porno en vrai. Ah oui, je les adore, mais chacun son domaine. C'est tout ce que je voulais dire, Sylvain. Me fais pas dire ce que j'ai pas. Je vais pas me mettre à défendre ces messieurs. Ils sont braves. Hein. Ils sont braves. Non, non. Quel intelligent, faut savoir. Tu sais, attention, les scènes, c'est pas donné à tout le monde. Faut être un matheux. Hein. Attends, faut y aller. Puis l'endurance, terrible. Puis c'est l'abnégation, hein, tout ce qu'on a besoin dans un ministère. Non, mais c'est vrai. Il est con, celui-là. T'as défendu les acteurs, maintenant faut faire les actrices. Ah allez, oui, bon courage. Oui. Non. Pour arrêter ce film de cul. Allez, Imagine Dragons sur NRJ, les amis. On est là jusqu'à 23h. Sarah, on va faire les mille et une voix. Ouais. Et puis Ophélie, on va parler McDo. J'ai vu que t'es première sur la frite, là. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth. The truth. I'm fading black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it. I'm gonna. Allez les amis, on débrief d'Halloween. Halloween. Halloween. Le Rico Show débarque. De 20h à 23h. Sur Énergie. Eh oui les amis, avant de se faire le jeu des mille et une voix et que Malik nous raconte son VTC de la peur complètement fou ce soir, il est en gueule de bois. Hein. Ouais. Justement, lui aussi va débriefer d'Halloween. Il sera là dans deux minutes pour vous en parler. Je voulais vous parler du news, la news d'Halloween, que je pensais être justement une farce. Ah. Une farce, pas possible. C'est pas possible, mais croyez-moi, le McDo serait bon pour la santé. Bah arrête. Ah c'est ouf. C'est ouf. Bah, Ophélie, je te le dis, le McDo, ça y est, c'est bon. On pourrait en manger, il y aurait des bienfaits. À ton avis, quel serait le bienfait du McDo, ma Ophélie? Par rapport à la perte de poids, ce serait génial. Ah oui, t'imagines, chaque fois que tu manges un cheeseburger, moins 2 kilos. Et oui. Ophélie qui a fait le 0870-42-48. Ouais, un truc dans le style, genre ça facilite le transit et en fait ça reste pas trop longtemps dans ton corps, donc c'est pas mauvais. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Bah, prendre du cul beaucoup et des seins, comme ça tu mincis un petit peu du ventre et des jambes. D'accord, tu penses qu'en fait, la graisse, voilà, ils ont fait un Twitch spécial, ça se localise dans le fessier. Le McBull. Le McBull. Et quand tu le prends en maxi best-of, c'est celui Kardashian. Tu finis en Kardashian. Non, mais c'est très bien. Hey, je voudrais deux McBulls, s'il vous plaît. T'imagines, Sylvain, il arriverait avec toutes ses conquêtes avec des McBulls. Ouais, les gars. Et t'imagines, il y aurait le McTub. Qui veut un McTub? Sylvain, non, trop peu pour moi. Je suis assez, j'ai ce qu'il faut. Ce serait pas mal, ce serait pas mal. Non, c'est pas ça, Sarah, je suis désolé de te décevoir. Sylvain. Bah, je sais pas, de la vitamine. Parce que regarde, dedans, il y a 5 fruits et légumes. Hein. Ouais. Il y a de la tomate, il y a de la salade. D'accord. Bah voilà, j'ai déjà tout, deux, ça, quoi. Ça fait bon. 5 fruits et légumes. Mais il est fou, ce gars. 5 fruits et légumes. Bah, il y a tout dedans. Il y a les 5 fruits et légumes. La tomate, la salade, la tomate cerise. La feuille de salade. Le concombre ou le cornichon. Ah oui. Le cornichon. Ah, oui. Allez. Ah, oui. On a 3. Ouais. Attention, il va bientôt me dire le steak végétal. Eh oui, végétal, dit légumes, dit. Voilà. Voilà. Eh, toi, t'es l'artiste de la bande. On va trouver les graines de sésame dans le pain et il va te dire c'est bon. Il va ah oui. Non, c'est pas un fruit, ça. Je sais. C'est surtout pas un légume, couillon. Tu vas pas. On était plutôt vers le légume au niveau de la graine. Le légume dit hey, vous m'aurez pas. C'est pas un fruit, la graine. Non, mais Sylvain, arrête, calme-toi. Oh, si vous nous découvrez, on est là de 20h à 23h, du lundi au vendredi. Et Sylvain est là parce qu'on m'a payé cher. Voilà. Voilà. Alors, non, rassurez-vous, Ophélie, je te le dis, malheureusement, McDo, c'est dégueulasse. Entre guillemets, pour le corps. Voilà. Ah, il paraît. Peut être bon, etc., mais pour le corps, voilà. Par contre, il paraît que la frite est bonne pour l'homme. Bon, non, mais c'est vrai. La frite est bonne pour l'homme. Il paraît même que la frite de chez McDo évite la chute de cheveux. Ah ouais. Ouais. Non, c'est pas une vanne. On a souvent dit que les frites, justement, c'était le mal absolu. Et d'après une nouvelle étude scientifique, ça nous donne un peu d'espoir parce que les frites du McDo feraient pousser les cheveux et aideraient à guérir la calvitie. C'est des chercheurs de l'université nationale de Yokohama. Je peux dire que les Japs sur ça, ils sont chauds. Et ils ont aucun intérêt parce que eux, leur industrie, c'est le sushi, ok? C'est vrai. Ouais. Donc c'est vrai. Les gars, s'ils sont là à te dire ça, c'est qu'ils sont sérieux, ok? Et puis les mecs te disent, voilà, il y a une macro, en fait, particule qui est ajoutée aux frites de McDo pour éviter que l'huile de cuisson ne mousse. En fait, d'accord. Et justement, ça a aidé aux souris à retrouver leur pelage. Et quand on donnait cette goutte d'huile qui aide à ne pas mousser pour les frites, t'avais les souris qui redevenaient poilues. Oh, ouais. D'ailleurs, Sylvain en donne à ses compagnes pour le castor. Comme ça, elles sont bien. Mais... Voilà. C'est pas que les cheveux, donc c'est poilu, ça peut être tout le corps. Au niveau du poil, ouais. Oh, et surtout du cheveu, apparemment ça pousse. Oh là là, je mange plus. Le chercheur, c'est qui là? C'est Aurélie McDonald ou pas là? Ah ouais, non, mais c'est qui? Attends. Aurélie? Non, mais Ronald McDonald là, le Aurélie. Mais Aurélie, mais tu vas te calmer, Aurélie, c'est qui? C'est la sœur de Ronald, c'est qui? Non, c'est Ronald McDonald, le chercheur ou pas? Il est fou ce mec, Aurélie. Mais c'est qui, comment Aurélie? C'est sa fille. Ophélie, mais franchement, heureusement que t'as dit ça en commentaire. On n'en peut plus du gars. On non, en peut plus. Ça. Non mais ça sert à rien de répondre en fait. Ah ouais. Comme si de rien. Ouais. Elle connaît l'animal. Ouais. Ophélie, elle connaît bien l'animal. D'ailleurs, Sarah, oui. Vu ta pilosité, faut que t'arrêtes le McDo. Mais c'est ça, mais je vais arrêter. Moi, je bouffe grave McDo et surtout les frites. J'adore les frites de McDo. Je commande que ça. Ah, c'est pour ça ton gosse la moustache. Mais c'est pour ça la stache mou. Arrête le Happy Meal. Arrête l'huile de frites aussi. Parce que je peux dire, c'est les deux. Ça, arrête. Ah, bah, je sais pas, elle fait des frites hier, elle les a enroulées dans le chignon. Elle a laissé macérer au bout de 3 heures, elles étaient prêtes. Ouais. Ophélie, on va te faire un cadeau en tout cas. Merci d'être passé. On embrasse Sanlis pendant que JM s'étouffe. Ah ouais, je suis désolé, c'est pas tard, il m'a fait rire. Ah ouais, putain, apparemment, toi aussi t'as mangé de la frite. Ophélie, je t'embrasse. Plein de bisous, ma Ophélie. Salut l'équipe. Bisous. Merci d'être passé, ma Ophélie. On s'est régalé avec toi. Et il y a Vic qui veut dire un petit truc sur les frites de McDo. Ah. Ça va, Vic? Ouais, ça va et toi, Rico? Écoute, impeccable, mon poulet. T'habites le 76, t'as fait le 0800 70 42 48. 76, on est où dans le 76, les gars? On est à Saint-Quentin. Saint-Quentin. On est où, Sylvain? Seine-Maritime. Ouais, bravo, Sylvain. Bravo. Il y en a un qui a pas la réponse. Ouais. Écoute, il a fait une soirée libertine terrible. Vic, raconte-moi un petit peu cette histoire avec les frites, là. Tu voulais réagir? C'est à moitié vrai, parce que c'est vrai que McDo fait maigrir. Ouais. Moi, je faisais 70 kilos et avant je travaillais sur Paris, donc je commençais très tôt le matin, je finissais très tard le soir, j'avais pas le temps de me faire à bouffer, mes parents étaient déjà couchés quand j'entrais, donc c'était McDo matin, midi, soir. Wow. Mais tu déconnes, alors, tu vas me dire que du coup... Je suis passé de 70 kilos à 55 kilos. T'es témoin du Jéhovah de la McDonaldisation. Non mais c'est pas vrai, frérot. Ça, je sais pas, et on peut pas dire que c'est grâce aux frites, parce que je finissais jamais mes frites. D'accord, bah c'est peut-être ce qu'il y a le plus gras aussi chez McDo, ces frites-là. Bah ouais. Mais Vic, je pense que c'était lui à ton rythme. Toi-même, tu dis, j'ai pas le temps de bouffer, donc j'allais chez McDo. C'est peut-être que derrière, tu faisais tellement de bornes, tellement d'activités en marchant, en courant, en agissant, plus le stress cumulé, que derrière, t'avais beau manger chez McDo, tellement que tu cramais, ça compensait pas, quoi. Ouais, ça devait être ça, parce que je suis pas le genre de mec à faire du sport, tu vois. Bah ouais, Vic, tu peux pas me dire ça. T'imagines, les gosses, ils sont là, ils sont en train de jouer aux jeux vidéo, ils sont à la baraque, ils bouffent, ils commandent les McDo, ils vont enfler comme des saucisses, là. Tu peux pas me dire ça, Vic, t'es fou, quoi. J'aime. Et en plus, après, ils vont dire à leurs parents, ils vont dire, ben ouais, je l'ai entendu à la radio, il y a un mec qui a dit que ma gueule, ça fait pas grossir. Et puis, je veux dire, vous pourrez aller toquer chez Vic, hein. Ah ouais, c'est vrai. Il sera plus là. Non, mais je pense, Vic, c'était à cause du rythme. Moi, ça me l'a déjà fait, ça. J'ai déjà bouffé comme un porc, des trucs à la deux balles, etc., des machins, et je maigrissais parce que tu cavales partout, avec le stress, les trucs, tu cavales partout. Et puis le jour où t'as un petit peu de temps, tu continues avec les mêmes modes alimentaires, tu enfles. Hein, là, ouais. Ah oui, tu vois pas, Vic, les sportifs, quand ils se blessent, ils sont là, ils bouffent des pizzas, etc. Sylvain, tu bouffes plein de merde, toi. Ouais, non, mais c'est vrai que je bouffe des merdes et c'est pas bon du tout, parce qu'après, tu peux choper des tendinites, au niveau de l'arthrose, enfin plein de choses. Et même quand tu bouffes de la malbouffe comme ça tout le temps, et ben tu peux tomber en dépression. C'est vrai. Tu jures, à force de bouffer du McDo, tout ça, il y avait un film qui était sorti là sur la malbouffe. Ouais. Aux États-Unis, et le mec qui était tombé en dépression. Parce qu'en fait, vous sécrétez des hormones du plaisir quand vous bouffez des trucs gras comme ça, et après vous êtes en manque de ça, et quand vous n'avez plus votre malbouffe, etc., parce qu'à un moment donné, il faut arrêter avec la malbouffe, ça sécrète des hormones, c'est un peu de la drogue, la bouffe aussi. Et surtout le sucre, c'est une drogue, je peux te dire, au Venezuela, ils ont une pénurie de sucre, les gars se foutent dessus, parce qu'il n'y a plus de sucre. Non mais c'est vrai, le sucre, c'est une drogue, hein. Ils le disaient, c'est pire que tout le sucre, c'est pas une vanne. Les mecs se foutent sur la gueule pour du sucre. Et du coup, ton cerveau, il comprend plus, puisqu'il a plus à bouffer, et tu deviens complètement barjou et dépression assurée, je te jure. Ça sent le vécu en tout cas quand t'en parles. Fais-moi maintenant du sucre. Ça fait deux semaines que je bouffe que de la salade. Il m'angoisse. J'en peux plus. Allez, je craque, merde. Par contre, tu nous en casses du sucre. Ça fait vraiment flipper parce que là, je suis en plein emménagement. J'ai pas eu le temps de faire à bouffer et j'ai un McDo sur la table. Ah bah écoute, Vic, poubelle. Non, je rigole. Fais-le toi, mais tu vas voir que dès que tu vas t'arrêter, tu vas prendre du poids. Vic, merci d'être passé. On va te faire un cadeau, mon poulet. Ah bah y'a pas de soucis. Tu nous as bien fait rire en tout cas, mon Vic, on t'aime fort. Bisous. Ciao. Bisous. Ciao mon Vic. Quel bonheur de vous avoir avec nous. 0870 42 48. On va se faire plein de choses les amis. Aujourd'hui c'était une journée en famille. Il va falloir qu'on parle de cette journée en famille. Oh là là. De ces jours fériés où il y a du monde qui passe à la maison. Moi déjà il y a du monde quand il y a mon père qui est là. On va parler de ces journées un petit peu famille, d'accord? Il y a Malik qui est là, ça va Malikus? Ça va Rico? On va parler de ton VTC de la peur. Ouais désolé, je suis un peu dans la gueule du bois. Qu'est-ce qui se passe? J'avais gueule de bois depuis hier. Dans la soirée, on a fini à 4h, c'était dur. D'accord. Donc, gueule de bois, est-ce que tu te rappelles de ta soirée? Bah, pas trop, justement. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Et on m'a dit qu'il fallait que je fasse un VTC ce soir, mais je sais pas comment je vais faire. Je me rappelle pas trop ce qui s'est passé hier. On m'a dit qu'il y avait Sylvain, il est rentré avec moi et tout. Et je sais pas ce qui s'est passé. Bah, là, j'ai du mal à marcher. Ouais, je t'avoue que là, je marche sur une jambe. Il a sur lui ton caleçon d'hier. Il y a eu échange là. Bah, je me suis réveillé, j'en avais pas. Alors, c'est pour te dire. Apparemment. Hein. Vous l'avez compris, Malik est complètement cuit. Hein. Évidemment, c'est la gueule de bois qui règne. Voilà pourquoi il faut le faire avec modération. C'est le message qu'on veut envoyer ce soir. Ouais. Il va récupérer un client, il va allumer la radio. Et vous allez comprendre que Malik va se sentir recherché, mais il ne sait lui-même pas pourquoi. En fait, il a un blackout sur la soirée. Et au fur et à mesure que la course va avancer, il va découvrir les méfaits qu'il a opérés. Et vous allez voir que son VTC est truffé d'indices. Ah, truffé. Ouh. Apparemment, je crois qu'il y a un couteau qui est plein de sang dans ma boîte à gants. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. D'accord. Voilà. Je sais pas si on m'a tué ou j'ai tué quelqu'un parce que je l'ai tout oublié. D'accord. Écoute, ça fait bien flipper. C'est un remake d'Halloween. Hein, c'est l'histoire. Derrière, on va parler de cette journée en famille. Complètement ouf, les amis. Et puis, il y a surtout les mille et une voix là qu'on va se faire rigoler. Là maintenant. Ah, j'ai hâte. Moi, j'ai 6 voix là. T'as 6 voix ? Oh là là. Oh là, moi j'en ai 2. On va appeler des hôtels. On va essayer de raconter une histoire à notre standardiste et de passer en fait des membres de notre famille. Et on changera de voix. Et puis, chaque voix comptera pour un personnage. Ouais. Plus on fera de personnages, plus on marquera de points. Et vous allez voir, c'est souvent complètement. Ouf, c'est maintenant là, juste après le pire de Maître Gims. Ah là là, le VTC va être énorme. Ouais. Franchement, on se régale. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je suis posé sur mon divan, je regarde la télévision. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans. Assombrir ma vision, pourtant le soleil est présent. Les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Et en effet, le mal est fait. Stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Sur le divan, toujours la télévision, obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge d'essence. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons. Allez les amis, on est là jusqu'à 23h. Il s'appelle Aymeric Bonnery. Son surnom, c'est Rico. Et vous venez d'atterrir dans le Rico Show sur Énergie. De 20h à 23h. Wow. Yes. Elisabeth me dit hashtag Rico Show sur Énergie. On dirait que Malik traîne toute la misère du monde sur ses épaules. Il faut savoir que Malik ne boit pas. Hein. Il non. est vraiment oui. dans son rôle. Hein. Rassurez-vous, j'ai vu pas mal de messages. Oh là là, Malik, il a la gueule de bois. Il va incarner un chauffeur qui a la gueule de bois, mais il n'en est rien, évidemment. Ouais. Malik ne touche pas l'alcool du tout. Il a bien raison. Et c'est avec modération. Le mieux, c'est de ne pas en boire, je vous le dis. Malik va donc simuler ça et récupérer son client. Ce sera dans un quart d'heure. Je vais vous parler de ses journées en famille. J'ai des choses à vous dire là dans 3-4 minutes. Mais Sarah, on va se faire les mille et une voix. Allez. Est-ce que tu te sens les épaules? Ah ouais, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voix. Les gars, je suis le challenger. Elle m'a battu 8 à 6 hein, la dernière fois. Elle a mis 8 voix, j'en ai mis 6. Aujourd'hui, dès qu'il y a une voix, vous entendrez... Ding, d'accord. L'interlocuteur ne l'entend pas, mais comme ça, vous pouvez compter vous aussi à la maison le nombre de voix qui est effectué. Okay. D'accord. Sarah, on fait un personnage toutes les 15 secondes, on change de voix. C'est à peu long. Près 15 secondes pour valider les voix. Bah alors fais-moi un signe. Ouais, bah je te le fais tout et tu me le feras aussi. Ok. Okay, c'est parti, on y va, ma Sarah. Ouais. Allez, bonne chance. Merci. C'est parti, tu crées ton histoire. Tiens, on va à l'interlude à Paris, c'est férié, je pense qu'ils sont patients. C'est ça, ouais, tu m'as mis un dur là. J'ai sélectionné le réceptionniste le plus dur. Je rigole. Interlude, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelle afin d'effectuer une réservation, s'il vous plaît. Pour aujourd'hui, madame? Ah non, pas du tout. C'est du 3 au 9 décembre. Ah, par contre, pour les réservations, c'est soit sur le site internet directement, oui. ou bien nous appeler demain dans la matinée. Alors, attendez, est-ce que je peux peut-être vous poser quelques questions? Oui, allez-y, avant. Madame. Alors, écoute. Bon, ce serait pour une semaine, c'est pour nos 40 ans de mariage. Hein. Donc, d'accord. C'est vrai qu'on serait 1, 2, on serait toute la famille, on serait 8. Est-ce que vous avez des grandes chambres? Oui, on a des chambres en fait pour 3, 4 personnes. Oh, on génial. En a alors, deux, en fait. Alors attendez, je vais juste voir avec ma fille. Ils ont des chambres pour 3, 4 personnes. Ben, viens demander au monsieur. Mais attendez, je vous la passe. D'accord. Allô, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Malika en ligne. Alors, ma mère, elle m'a dit, pour vous avez, c'est quoi, des chambres de 4 maximum? Oui, c'est-à-dire 4 maximum, oui. Avec possibilité de... De la télé, le petit déjeuner, un lit en plus, par exemple, pour ma fille, pour les enfants. C'est vrai qu'il y aura des enfants? Oui, c'est possible. Ouais, ok. Bon, attendez, bon, c'est possible. Je ne sais pas si ma fille, elle veut dormir. Oh, yo, attendez. Est-ce que je fais la réservation? Tu veux dormir avec nous ou avec les cousins? Allez, je vais dormir avec les cousins. Ouais, allô, monsieur? Oui. Ouais, excusez-moi, vous avez eu ma mère au téléphone, là. Moi, j'ai envie de dormir seule, tout. J'ai envie de dormir toute seule. Ah, d'accord. Ah, bah, écoutez, c'est possible. Après... selon le nombre de personnes. Ah ouais, fait. Mais moi je veux. Non, en fait, moi je t'explique. Moi je veux dormir toute seule parce que ma mère elle veut qu'on dorme avec les vieux. Moi il n'y a pas moyen. Moi je dors toute seule. Hein. Ah oui, c'est possible. Hein. Ah, bah, trop une bien. Chambre pour être toute seule. Attendez, je dis à mon père. Papa, moi je dors toute seule. Le monsieur il a dit c'est bon, je dors toute seule. Je m'en balèque, je dors toute seule. Bah oui, prends le. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir, c'est Mourad. Ma fille elle peut pas dormir toute seule. Faut lui dire non. Elle peut pas dormir toute seule. Hein. D'accord. Ah non, non. Donc ce sera sûrement plusieurs chambres et les petits avec les enfants. Et les petits, les enfants et les plus grands pour s'occuper d'eux. D'accord, monsieur? Ok, c'est noté. Bon. Malika! Ouais, c'est bon, il ne dort pas tout seul, je te jure, il ne dort pas tout seul. Allô? Allô, oui. Oui, oui, c'est Malika. Du coup, il ne dort pas tout seul, c'est bon, vous avez vu avec, hein? Oui, oui. Ah bon, très bien. Nadia, tu ne dormiras pas toute seule. T'es trop petit. Mais si, maman. Maman, je veux dormir toute seule. Oui, monsieur, je veux dormir toute seule. Dites à ma maman que je veux dormir toute seule, s'il vous plaît. D'accord. Merci, vous pouvez lui dire. Maman, maman. Ben, je vous la passe, je peux vous la passer? Oui, bien d'accord, sûr. D'accord, je vous la passe. Maman. Tiens. Oui, bonsoir. Allô? Allô, oui. Oui, c'est Alia en ligne. Du coup, c'est bon pour les chambres, vous avez vu avec toute la famille, là, hein? Oui, j'ai les préférences de chacun. Bon, bah génial. Bon, ce sera plusieurs chambres, mais avec plusieurs personnes ensemble. Hein. D'accord. Les petits, les grands, les petits. Vous connaissez, il faut les surveiller, monsieur. Oui, sans problème. Avec les petits déjeuners inclus. D'accord. Oui. Je vous repasse ma grand-mère. D'accord. Bon, monsieur, écoutez, super, merci beaucoup. Je vous appelle demain pour finaliser tout ça au service réservation, d'accord? C'est noté. Bon, bah merci, monsieur, vous êtes bien agréable. J'espère que toute ma famille vous a plu, hein? Oui, oui, oui. Oh, on est un petit peu farfelu, hein. C'est quoi votre petit prénom? Ah, c'est Jean. Oh, Jean, je vous adore, Jean. Je vous dis à demain. À demain. Gros bisous, ciao. Bisous, Jean. Elle est imprenable. Ah ouais, là. C'est chaud. Mais non, mais tu vas y arriver. T'es imprenable. Je peux pas. Elle est imprenable, frérot. Elle m'a glissé combien de voix, Jim? 7 voix. Et en voix. Plus, elle est tombée sur le bon client. Le mec, il avait de la patience. Grave. Franchement, ouais. C'est beau. Mais chaque fois, elle tombe sur le bon client. Ah ouais. Moi, j'ai tombé sur un mec qui va me raccrocher. Après, attention, c'est de la meuf. Ah le oui, gars, il est plus ouais. Sympa, j'ai l'impression. Mais arrête de trouver des prétextes, je suis désolée, c'est au hasard, on est logé à la même enseigne. Hein. Oh là là. Ah putain, mais attends, c'est lunaire. Ah, c'est moi, tu vas voir, je vais le faire, on va me raccrochonner. Et 15 secondes sûr. À chaque fois. Hein. Allez, David Guetta, je m'y file, les gars. Allez, apportez-moi de la force. Putain, j'ai 7 voix à faire là, 8. 7, 8, 8. 8 pour la batte. Ah ouais. Putain. Oh là, mais c'est quoi cet organe là? Fais ça, toi, imite les gens. Chante en imitant, tu feras une carrière. On est là jusqu'à 23h, le VTC arrive, les amis. I can't go fast enough to break free from the bond of your love, and I ain't been strong enough to let go and let God. I can't see clear enough to look past the dust you left behind, and I can't get high enough to forget. I cry. Allez les amis, on est là jusqu'à 23h, c'est les 1001 voix. Et ça va être très dur. Puisque Sarah a réussi à glisser 7 voix, c'est parti, je dois en faire plus de 7. On y va, Sylvain. Mais avec Sarah, c'est les jeux des 7 familles là, tu vois, tu connais ça. La maison de même lui, il était pas sûr. Bienvenue à la maison Favard, la réception, David, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, je voulais savoir, je suis en réunion actuellement avec mes équipes. On souhaiterait pouvoir loger chez vous la semaine prochaine. Ben, je vous écoute monsieur, pourquoi? Oui, ce serait pour lundi prochain, à partir de lundi. Est-ce que vous avez des chambres? Alors, ce serait pour combien de chambres monsieur? Ben, écoutez, je vais vous passer l'administré, attendez. Oh, une voix. Il fait le pari, lui, là. Une voix, parce que dans les dates, t'as pas été précis, t'étais pas très sûr de toi. Bah arrête de faire la leçon, toi. T'es sérieuse ou quoi? Bon, écoute, j'ai perdu. Hein. Le champion. Non, mais refais une chance. Une chance? Bah oui. Mais non, alors tu sais quoi, on va lancer la pub, les amis. Derrière, on retrouve Malik dans son VTC. Moi, je crois que j'ai la poisse. Je vais arrêter de faire ce truc. Je lui dis, les gars, je vous passe l'administré. Moi, je tombe sur des enfoirés. Et toi, le gars, tu pouvais tout lui dire. Non, mais c'est quoi ce délire? On va retenter. J'ai une poisse terrible. On va retenter une fois. C'est, oui, tu m'autorises? Oui. Attends, tant qu'il n'y a pas une voix, c'est pas validé quand même, les gars. Ouais, j'ai, le patron, pas, j'ai pas eu le temps de passer un gars qui m'a raccroché au nez. Trouvez-moi un mec gentil. Vas-y. Moi, je peux pas avoir un gars gentil qui décroche. Allez. Pourquoi j'ai toujours des vénères? Allez, les amis, le VTC de la peur arrive. Et puis, on parlera aussi de ces journées en famille. Là, c'est vrai que c'est férié. Journée en famille oblige. Il faut qu'on en parle. Ça va être énorme. Il y aura la Battle Tinder aussi. On va passer des coups de fil et on va voir qui est le plus grand séducteur. Ça, j'y arrive un peu mieux, hein, n'est-ce pas, Sylvain? Ouais. T'es un petit peu ce que je suis pour Sarah. Sur ce... Ouais, c'est ça. Un échec. Allez, on revient, les amis. 3 minutes et après, on a 1 heure sans pub. Gagnez vos invitations aux côtés des stars pour les Energy Music Awards. Mr. Black Eyed Peas on NRJ. Écoutez Energy toute la journée. Dès que vous entendez le double hit Energy. Avec 2 titres de Black Eyed Peas à la suite. Appelez NRJ. Yeah. 3937. Et gagnez vos invitations. Pour assister à la plus grande cérémonie musicale en Europe. Energy Music Awards, le 10 novembre à Cannes. Energy. Hit music only. Energy. Everything's been so messed up here lately. Pretty sure he don't wanna be my baby. Everything's gonna be okay. chill pour passer la soirée. C'est le Rico Show. 20h, 23h. Sur Énergie. Eh oui, les amis, on est là jusqu'à 23h, plus d'une heure sans pub. Hein. On est là ensemble pour kiffer. Que Black arrive. Lady Gaga et Bradley coupé. Oui, je le francise. Sylvain arrive. Et Drake. On a le VTC de la peur avec Malik, et Malik est en gueule de bois, il ne se souvient pas du tout de la soirée de la veille, et des indices vont quand même l'aider à se remémorer des événements. Vous allez voir String, petit couteau avec du sang, des petites choses comme ça, qui peuvent l'aiguiller sur une soirée un peu sordide, hein, soirée d'Halloween complètement folle. Et le client et Malik lui-même vont apprendre que Malik est recherché via la radio lorsqu'il allumera la radio, puisqu'on va faire un flash info. Ça va être énorme. Et puis, on se parlera aussi de cette journée en famille, là, dans deux minutes. Le jeu des mille et une voix, vous le connaissez. En gros, on appelle un réceptionniste, on doit créer une histoire, et puis chaque fois, passer quelqu'un au téléphone. Et plus on place de voix, plus on place de personnages, et plus on marque de points. Sarah a placé. C'est 8 voix, 8 personnes, 8 points. C'est même elle qui a raccroché, on en avait marre. Le gars était là. Moi, j'ai passé un coup de fil, le gars a raccroché. Je soupçonne JM de m'avoir planté. Non, non, par contre, il y a la production qui veut renommer le jeu pour toi spécialement. C'est le jeu de une voix. C'est vrai. Et pour Sarah, c'est les 1000 voix. Ouais, en fait, le une, il est pour moi. Évidemment, on est avec vous. 0870 70 42 48. Si vous voulez me parler de cette journée en famille que vous aimez ou pas. Vous venez nous dire ce que vous aimez ou pas dans cette journée. Tiens, des fois on a des obligations, des fois on a des contraintes. On va en parler tous ensemble. Et puis évidemment, on est avec vous sur Twitter, hashtag RicoShow sur Énergie. Salut Sévage, Elisabeth, Amélie, Ariel, John. Salut. Vous êtes hyper nombreux à commenter, ça fait plaisir. Tu me laisses une chance, Sarah ? Allez. Allez, la dernière. C'est quoi ? Dernière. Je vais faire le grossiste. Genre, je connais le réceptionniste. Voilà. Je connais l'hôtel. Allez. Il n'est pas là, André. D'habitude, je réserve avec lui. Oh, je me mets en angoisse et je place toute ma famille. Vas-y, okay. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allez. 2001 voix, on y va. J'appelle Annie, ils sont gentils les Niçois. C'est le plan fort. Oh, pas un bruit. Grand monsieur, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, t'as la salle à Scala, bonjour. Bonjour madame, je m'appelle André. Je vous appelle parce que je souhaiterais réserver une chambre, s'il vous plaît. T'en as raccroché ? Mais c'est non, normal, qui c'est qui appelle ? Je m'appelle André. Toi, quand tu réserves, tu dis bonjour, je m'appelle Emmerich, je pourrais réserver. Je la rappelle, on a été coupé. Je mais non, André. C'est elle qui a raccroché, elle va pas décrocher. Attends, c'est pas possible. Oh mais est-ce que quand. Attendez, c'est le ting peut-être là, on me met plus de ting. Allô ? Hôtel Astana Scalandra, bonsoir. Oui, bonjour monsieur, je m'appelle André, je souhaiterais réserver une chambre, s'il vous plaît, monsieur. Pour quand ? Pour lundi, précisément. Pour lundi. Alors, il faudrait le service de réservation. Là, il est fermé. Soit vous rappelez. D'accord, je peux vous passer mon patron, s'il vous plaît. C'est lui qui gère ça. Je vous le passe, vous allez lui expliquer. Excusez-moi. D'accord, je vous en prie. Allô ? Bonjour, monsieur ? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, comment allez-vous ? Je veux bien. Oui. Je vous écoute, monsieur. Qu'est-ce qui se passe concernant la chambre, s'il vous plaît ? Moi, j'ai l'habitude de résider dans l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe ? À partir de lundi, je ne peux pas venir me loger. Non, j'ai pas dit que vous ne pouvez pas, monsieur. Je dis juste que le service de réservation, il est fermé actuellement. Par contre, tout ce que je peux faire éventuellement, c'est vous pouvez envoyer un mail de confirmation de réservation avec une carte de crédit et le service de réservation. T'énerves pas, Igor. Attendez, parce que j'ai Igor qui est énervé. Hôtel, comment ? Chambre d'hôtel. Allô, allô. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Je m'appelle Igor. Voilà, je viens souvent à Nice. Je voudrais ma chambre monsieur, pour lundi. Merci beaucoup. Désolé, au revoir. Monsieur, monsieur, écoutez, soyez poli, s'il vous plaît. Merde Ça marchera pas. Bravo j'arriverai quand même, pas. Trois non, j'arriverai pas. J'arrête ce jeu. Oh, non. J'arrête ce jeu, moi je peux pas. Qui veut me remplacer ? Qui remplace Rico ? Je peux pas, putain. Sylvain. Ouais, moi je peux le faire. Je sais, moi. Sylvain, tu veux le faire, vas-y. Vas-y, viens, essaye. Place toutes tes voix. Ça fait tellement bien. J'en peux plus du délire. Deux appels de Rico, ça fait toujours 7-4 appels. Bienvenue dans ce Capier, bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez ? Oh putain. Mais vous êtes nul, là. Vas-y, j'essaye si tu veux. T'essayes. Ah, bah, là, je pense que t'es tranquille. Là, maintenant, il y a plus de crainte. Hein. Tiens, je te passe la maison. J'ai la maison Favard. Là, les boules. Premier numéro. Oh. La maison Favard. Bienvenue à la maison Favard, bonsoir. Allô ? Allô ? Monsieur ? Allô, monsieur ? Mon papa, il veut réserver une chambre. Je peux vous le passer. Mais vous êtes nul. Je n'ai jamais vu des mecs aussi nuls que vous. Tu veux dire quoi? Oh, les pourris, pourris, pourris. Ah, elle est nulle. Ah ouais, mais non, après comme ça, je partais sur d'autres voies. Mais pas du tout. Bienvenue, monsieur Scapier, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Je souhaiterais réserver une chambre, s'il vous plaît, pour lundi. Allô? Non, mais il y a un truc. Laisse-moi une dernière fois. Toi, je pense que t'as eu de la chatte, Sarah. Attends, je fais voir, remets-moi. Tiens, le gars, il s'amusait avec toi. Je pense qu'il y a un problème dans le studio. Hôtel Oasis, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. J'aimerais réserver une chambre, s'il vous plaît, du 3 au 9 décembre. Oui, bien sûr. Super. Concernant vos chambres, en fait, c'est pour nos 40 ans de mariage. Est-ce qu'il y aura possibilité d'avoir plusieurs chambres? Et c'est combien de chambres vous voulez réserver, madame? Alors, nous, on sera 8, hein, donc forcément... Attendez, je vais demander à ma fille un instant. Sarah! Oui, allô monsieur, excusez-moi. Oui, vous avez eu ma mère, monsieur. Vous avez eu ma mère. Ce serait 4 chambres, monsieur. J'ai pas bien compris, excusez-moi. Ce serait 4 chambres, monsieur. Ah oui. Attendez. Vous pouvez appeler demain matin, s'il vous plaît. Alors, attendez, parce que je comprends pas trop ce que vous dites. Khadija, viens, je comprends rien. Ouais, allô monsieur? Mais la première fois, j'ai gagné. T'as une chatte de ouf. Et la semaine dernière aussi, j'ai une chatte de ouf. T'as l'air, j'en ai placé 4, là, t'en as placé 2, ça fait 4-2. Ah, ok. Fin du game. Non, ah, okay. Les gars, non, mais c'est trop dur ce jeu. Ouais, c'est dur. Ouais. Mais j'aime bien. Dur. Mais il est trop bien. C'est lui qui l'a sorti ce jeu. Et en plus, lui, il dormait, je pense que tu pouvais faire un truc. Ouais. Oui, c'est moi qui l'ai inventé. Ah, d'accord. Et je l'ai inventé pour me faire du mal. Allez, les amis, c'est la teuté de Rico. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, mon Rico? Bienvenue dans la teuté de Rico. Eh oui les amis, on n'a pas lâché l'affaire. Franchement, moi je comprends pas, putain. C'est l'horreur. C'est chaud. Allez les amis, on parle de ces journées en famille. C'est le 1er novembre, c'est férié. Et c'est vrai qu'on a la famille. Et c'est pas toujours des plus agréables. Des fois on kiffe, hein. Moi je kiffe parce que des fois il y a les bonnes personnes de la famille qui viennent. Ouais. Et puis des fois les mauvaises, hein. C'est vrai que c'est pas toujours un bonheur. Ah non. Moi j'adore parce que c'est l'occasion pour moi de parler un petit peu de mes soucis financiers. D'accord. Mes soucis peut-être fantômes. Ouais. Et je suis là. Vous savez que mon petit dans 2 mois c'est son anniversaire. Tata. Et donc là, il me file des petites enveloppes en général. Il y a souvent 20 euros dans le macroute. Voilà, t'as tout compris, je gratte de l'oseille. Ça arrive, j'adore. Un petit billet dans la merguez. Ah bah, toujours. Et je me sers de mon fils pour ça. C'est pas vrai. Ouais, je te jure. Ah, le pauvre, tu sais ce qu'elle fait? Elle lui met des vêtements sales. Ouais, je te jure. Elle met des vêtements sales, elle le fait baver, elle le lave pas. Elle lui met les cheveux gras, pour ça, elle a pas de problème. Elle fait de l'huile avec les siens. Hein, elle le rend bien dégueulasse. Elle lui rase pas la barbe. Parce qu'effectivement, bon, mal rasé, il a 3 ans, mais bon, ça pousse. Là, vraiment, toute la famille. Avec un peu d'aftershave pourri de papa, je peux vous dire que derrière tout le monde, l'aumône est fait. Hein, là, tout le monde sort le larfeuille. Là, vraiment, on s'apitoie. Et en plus, elle le nourrit au sein à 3 ans. Tu sais, il a 3 ans. Ah ouais, au sein. Désolé, je suis pas de lait. Je suis obligé de le nourrir encore au sein. D'ailleurs, à mon avis, aujourd'hui, il est allé à la tété, c'est bien flasque. Hein. J'aime, toi, tu aimes ou tu détestes les rendez-vous comme moi, ça? Moi j'aime, tu vois, à la base, mais bon, après, les trucs que j'aime pas, c'est quand t'as les vieilles tachi, les vieilles tantes, tout ça, quand tu leur fais la bise, ça pique. Ah ouais? Ah, ça j'aime pas. Ça pique? Mais oui. Hey, la mère de Sylvain, j'ai fait une bise, elle m'a filé l'électricité statique. J'ai resté séché, vraiment, j'ai cru. Je me suis mis 2 gifles sur chaque oreille. Je pensais qu'il y avait un moustique à gauche, à droite, j'ai pris un coup de jus. Sa mère, ce qu'il faudrait faire, frérot, faudrait en faire des panneaux solaires. Elle t'alimenterait toute la piole, je vais te dire. C'est pas le fils de Sarah de 3 ans qui faut raser, c'est mamie. Oh non! Bah ça dépend où tu l'embrasses, hein. Si tu l'embrasses en bas, forcément t'as pété. Mais il est dégueulasse ce mec, hein, c'est grave! Mais qui l'embrasse en bas? Sérieux? Non, mais toi t'as souffert quand t'étais petit, hein! Qu'est-ce qu'elle faisait ta mamie? Le problème, Sylvain, faut jamais dire fais un bisou sur les lèvres! Hein. Vous savez pas où il s'aventure! Hein. Oh, allez, que blague, complètement sonné! On parle de ces rendez-vous de famille qu'on aime ou qu'on déteste! Jour férié oblige! À ce mal-là, il y a du monde, il y a du monde. On en parle sur Énergie. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? Je pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent, je suis sûr que c'est un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je t'aime, mais je suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle pense au mariage, mais je suis sonné. M'emprisonner ou peut-être m'empoisonner. Ah, entouré de traîtres, on est. Faut savoir sur qui tu pointes ton pistolet. Pris dans un engrenage, tout va tout vite pour moi, oui, Angela. N'en fais pas, genre. Angela. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? J'pense qu'ils veulent ma dame. Rampe comme un serpent, je suis sûr que c'est un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais j'suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je t'aime, mais j'suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais j'suis sonné. Ah, complètement sonné, elle pense au mariage, mais j'suis sonné. Ma relation est sur la sellette, n'est-ce pas? Elle nous porte l'œil. Pourquoi tes copines veulent s'en mêler? Je ne veux pas que tu penses tout ça sur moi. Tu m'aimes ou pas? Oui, mais parfois je doute de toi. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? Je pense qu'ils veulent ma dame. Rampe comme un serpent, je suis sûr que c'est un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah. Je t'aime mais j'suis sonné. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse mais j'suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle pense au mariage mais j'suis sonné. C'est la teuté de Rico. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, mon Rico? Bienvenue dans la teuté de Rico. Eh oui les amis, dans la tête, il y a la tête à l'envers, je me balance le jingle dans la truffe. J'aime ça les amis. Oui, journée en famille, journée fériée, du coup du monde déboule à la maison. On aime ou on déteste ces moments, pourquoi on en parle? Vous êtes plein, mais à commenter. Hein. Pas comme Malik. Hein. Pas comme Malik qui sera en pleine gueule de bois. Hein. Je vous le dis, lui il s'est parmi de sa soirée de la veille. Son client va arriver dans son VTC, il va allumer la radio, on va l'annoncer, rechercher et il va découvrir au fur et à mesure sa soirée. Ça c'est dans 5 minutes. Audrey a fait le 0870 42 48. Ça va Audrey? Ça va et vous? Écoute, en bonne forme. Alors est-ce que t'aimes te retrouver en famille toi? Bah oui et non, ça dépend des moments et de la famille hein. Bon, ah oui, alors toi on sent que c'est plutôt la belle famille que t'es pas contente de retrouver. Ah si, j'aime bien la belle famille. Mais bon, il y en a qui sont toujours un peu plus je te tiens la jambe et puis je t'enquiquine un peu, histoire de te titiller quoi. Ah ouais, c'est vrai, ils viennent te piquer là où ça fait un petit peu mal quoi. Voilà, histoire de dire on est en public, tu diras rien. Oh là là, ah oui, ils viennent te chercher sur les sujets brûlants. Putain, c'est vrai ça, Audrey. C'est vrai, purée, la dernière fois qu'il y a un mec qui a fait ça, putain, dans ma famille, on s'est tous fait la gueule. Ah ouais, c'est la guerre générale. Ah bah oui, c'est vrai. Le dernier a parlé du fait de, voilà, que mon père n'ait plus de cheveux. Il aurait dû manger plus de frites chez McDo. Ouais, il aurait dû. Il va finir dans 20 ans. Hein. Bah ouais, non, mais c'est ça. C'est vrai qu'on se chambre peut-être plus facilement en famille, on se taquine, et comme tu dis, Audrey, après, ça déborde. Et oui, et surtout, on se compare. Moi, je suis comparée toujours à mes cousines qui ont bien réussi dans la vie, tu vois. Ouais. Genre moi je suis la loseuse et eux tu vois elles habitent à Londres, à l'étranger, etc. Et moi je suis la merde. Ah bon? Bah ah oui. Bon. Non, et je suis pas bien à chaque fois. C'est comme ici, tu vois, je repars, je pleure. Écoute, bah Sarah, tu ne viendras plus. Comme ça tu pourras raconter ta vie à tes cousines de Londres. Oui, voilà. Non mais c'est vrai, c'est horrible ça. Bah oui. Alors pareil, t'as toujours le cousin, tu sais, qui est un peu revanchard de toi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Qui est un peu dégoûté même. Ouais. Et il dit putain, t'as pas grossi toi, ça fait longtemps. C'est pas ouais, bien. C'est vrai. T'es là, ben non, non, tu trouves? Ah ouais, je trouve. Ah, t'as perdu. T'as les bonnes joues en ce moment. Non, mais c'est vrai, il y a une espèce de compète interne à la famille qui est terrible. Il y a une compète chez toi, JM. Eh ouais, moi, c'est la sœur. Elle était brillante, elle a fait médecine, elle a fait ci, elle a fait là. Ouais. Moi, j'arrive, je savais que dire des conneries, raconter des blagues comme un teubé. Maintenant, ça va, me paraît, ils sont contents, je suis un peu de radio, tu vois. Mais au début, c'était la misère et ma sœur, elle a fini docteur et tout. Et à chaque fois, c'était pareil comme Sarah, tu vois. Eh voilà, là, regarde ta sœur, regarde ci, regarde là. Eh ouais, ma foi. Non, mais moi, le seul avantage, si j'étais tes parents, c'est que je me dis c'est cool, ma fille pourra soigner mon fils. Ouais, elle a fait les études pour au moins on n'a pas tout perdu dans ses alors ok, on a fait un boulet mais la première elle pourra nous le soigner quoi. Oui, mais c'est ça en plus, c'est pas mal ça. Ou sinon il y a la famille qui squatte, tu sais, à un moment donné t'as envie de leur dire barrez-vous mais tu peux pas, donc comment on fait tu vois, quand tu vois le vieux Cléon, il enlève ses pompes, il se met sous la couette dans le salon, il prend la télécommande, il allume la télé, là t'es mort. Là tu dis il va rester le Sarah, j'ai déjà vu, du coup elle simule un truc avec son fils, elles ont fait un entraînement. Alors quand maman gratte deux fois les oreilles, toi pleurer. Toi te faire caca dessus, maman pas gronder. D'accord. Toi crier, toi griffer tout le monde, toi t'agiter, toi tousser. D'accord. Toi avoir problème. Pourquoi tu parles à un bébé comme si c'était un Inuit, là, un Inca, je sais pas quoi, un Indien. Excuse-moi, j'ai trop regardé ton fils. Du coup, j'en ai fait une majorité. Tu sais, il met des capsules de faux sang dans le nez, tu sais, elle lui pèse le nez. Non. Comme ça, il s'est dit. Oh bon, putain, je dois aller aux urgences, t'imagines, elle fait ça. Toi, Audrey, est-ce que t'as de la famille qui te tient la jambe un petit peu comme ça? Ça dépend des moments, mais des fois, c'est moi qui la tiens un peu. Par exemple, j'ai mon père qui s'est séparé à Dunkerque, ce qui fait qu'on est tellement loin l'un de l'autre que quand je lui téléphone, c'est une heure minimum. Oh hein. Ah ouais, ah ouais. Non mais c'est vrai, ça c'était genre deux fois ou trois fois par semaine que je l'appelle. Oh là là, et du coup c'est vrai qu'ils se font les questions, les réponses des fois. Hein. Tu peux laisser le téléphone à côté, tu fais de la couture. Grave. Ouais, ouais, ça va. Mais je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais moi les repas de famille, quand j'ai un oncle qui me dit bonjour et qui s'amuse à m'enlever le dentier pour me foutre sur la joue, j'ai juste envie de sur la joue. Ils te mettent le dentier sur la joue. Ah. Ouais, c'est écœurant. Mais sinon c'est la même, genre t'as mis de la moutarde sur tes petits nénés aujourd'hui parce qu'on dirait qu'ils ont pas beaucoup poussé cette année. Oh non, ouais. T'as une famille. Audrey, c'est la famille en or là. Ah ouais. Non mais c'est le coup du dentier, il te chope la joue avec le dentier. Bah c'est ça. Bon, malheureusement il est plus là, mais quand il me faisait ça, j'étais pas pressée de le voir. Oh quoi. Là là. Et ce qu'il a fait en partant, il a dit je lègue mon dentier à Audrey. T'imagines, ça aurait été la dernière vanne de un peu rigolote quoi. Ouais. Non mais c'est ouf ça. Putain, la famille de dingue, c'est énorme ça. La famille ouais. Bichon. Voilà. Non, voilà, tous des gens dans la famille comme ça, un peu rigolo, et en séjour férié ils sont partout. Hein. Eh oui, exactement. Moi ce que j'aimais dans les jours d'un famille, tu vois, c'est comme ça quand tu as tes oncles et tout qui arrivent, ils te balancent des dossiers sur tes parents. Ah ouais. Genre putain, quand il était jeune, il faisait ci, il faisait ouais. Ça. Maintenant derrière, dès qu'il dit un truc, tu fais ouais, mais moi j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Au moins t'as des billes pour le, tu vois, lui répondre un peu. Sylvain là, tu as rattrapé la petite cuillère. Ouais, ouais, ouais. Tu as discuté. Rappelle ta mère là, quand t'étais en prison. Non, ah non, t'étais trop jeune, mon Sylvain. Elle a accouché en prison de toi. Bah oui. Ferme-la, toi. Mais tu crois quoi? Il a les oreilles abîmées, c'est entre les barreaux. Ça a frotté sur les bords. Mais non, mais évidemment. Heureusement, il y a que le fils qui a raté dans la famille. Ouais. Bah arrête. Mais non, t'es en pleine forme, mon Sylvain. Ah, mais je n'empêche, j'ai eu un accident de poussette, moi. C'est pas vrai? Ouais, non, c'est vrai. Non. Attends, j'ai jamais entendu ça. J'ai très peur sur l'accident de poussette. Non, c'est vrai. En fait, comme moi, quand j'étais petit, ma mère, elle m'emmenait souvent, tu vois, se promener. D'accord. Un jour, elle me promène, elle discute avec la voisine. Et sauf qu'on était en pente. D'accord. Et on est, je sais pas ce qu'elle fait, elle lâche la poussette. Exprès. Hein. Ah non, les freins marchent pas. Et moi, je suis parti, apparemment, c'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Je suis parti sur 10 mètres comme ça, et j'ai pris un platane derrière. T'as pris un platane. T'avais pas l'air mal sur la poussette. Ah ouais, j'ai pris un platane. C'est pas vrai. Ouais, ma mère, elle a couru derrière, elle arrivait pas à me rattraper. Et t'avais quel âge? Bah, je sais pas, j'avais 2 ans quoi. T'avais 2 ans? Ouais, 2 ans. Et est-ce que t'as souffert? Bah, je sais plus, je m'en rappelle plus. Elle m'a dit, par contre, les dents ont du mal à repousser après derrière. Non. Ah ouais. Ah, t'as cassé les dents? Ouais, ouais, j'ai cassé les dents et tout. Bah oui, forcément. Ah ouais, d'accord. Il a plié une platane, hein. Quand tu joues de potard à 2 ans. Mais c'est grave, mais porte plainte, hein. Donc, comme quoi, l'accident de poussette, ça existe vraiment, tu vois. Et après, ils ont camouflé ça pendant des années. C'était Halloween tous les jours à la baraque. Je peux vous dire, ta histoire complètement folle. On continue de parler des familles, là. Vous déboulez 0870 42 48. Écoutez cette chanson que je dédie à la maman de Sylvain. Lady Gaga et Bradley Cooper. Imaginez cette poussette descendre et Sylvain percuter le platane sur cette chanson. Imaginez, c'est beau. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Je vois le platane. Oh, do you need more? La poussette. Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the Allez, on parle des familles en ce jour férié. C'est vrai qu'il y a du monde à la maison. On a croisé tout le monde. Les parents sont en congé. Vous êtes là, les enfants aussi. Donc tout le monde est là, en fait. Hein. C'est la journée familiale. Alors on aime ou on déteste, on en parle. 0870 42 48. Et Sylvain nous a avoué cet accident de poussette hein, lors de ce moment en famille. Un moment très sympa. Et Betty dit ceci explique cela. Bah oui. Je comprends mieux pour ce pauvre potard Sylvain. Et du coup, de l'empathie s'empare de Sylvain. Ce serait pas plutôt une histoire de Malik, l'histoire de la poussette et les dents? Malik était denté, on lui demandera pourquoi. JM. Ouais, moi j'adore ces réunions de famille, tu vois, mais tu sais, c'est quand ils viennent tous avec des bébés, ils viennent d'avoir des bébés, ouais. Et tu te rappelles plus leur prénom. C'est le seul à qui ça m'arrive ou pas? C'est vrai. Ouais. J'arrive et je dis, ouais, le petit il est beau, le bébé il est beau. Oh, mais et une fois je me suis trompé, tu vois. Ouais. Et mon cousin il m'a dit, attends, mais tu es sérieux et tout, t'es le parrain, tu connais pas le prénom de ton fils et tout. Et ça a été la honte, tu vois. Ah ouais. On pourrait pas se balader avec une étiquette, les petits. Comme quand tu connais pas les sexes, tu dis, oh mignon. Ouais, c'est ça. Tu parles sans sujet, tu sais, ouais, mignon, ouais. Sympa. Mais ouais. Ah ouais, gentil, hein. Gentil. Cool, hein, cool. Ah, agréable, hein. J'avoue. Agréable. Ouais. Mais je sais pas si je peux le révéler. Vas-y. Est-ce que ton frère nous écoute, Rico? Non, je sais pas. Il nous écoute pas? Je sais pas pourquoi, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que je crois. Non, je peux pas le dire. Ce qu'elle va dire. Non, en fait, ton frère, un jour, il est venu avec ses enfants. Il m'a montré des photos de ses filles. Et en fait, je pensais que c'était un garçon. Et en fait, il l'a très mal pris. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, je le dis. Alors, dis-le toi. Allez, avoue-le. C'est pas ça. Avoue-le. C'est pas ça. C'est qu'en fait, je regardais. Oui. Et putain, me met dans la merde. Allez. Non, je regardais en fait les noms les plus donnés. Et mon frère, il a des petits. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné. Je me suis trompé d'une lettre sur un des noms, mais la petite elle a un an. Ah, ça arrive, oui, tu savais pas comment elle s'appelait, quoi. Mais si, non, c'est pour tout lui dire. Je pensais, je lui ai envoyé un message pour lui dire, tiens, le petit s'appelle Ethan et la petite elle s'appelle comment Amy. Et moi, chaque fois, je confonds avec Emma et Amy parce qu'en fait, mon oncle, il a aussi une petite qui s'appelle Emma. D'accord. Et donc, je confonds avec les deux. Ouais, ce jour-là, tu nous as dit purée. Je crois depuis sa naissance qu'elle s'appelle Emma. Mais non, c'est pas vrai. Tu mens, Sylvain. Non, mais ce qu'il faut faire, c'est acheter les petits habits, mais unisex. Pour tout le monde. Ouais. Comme ça, moi, t'es tranquille. D'ailleurs, toi, tu recycles. Hein. Lui, c'est le seul qui offre des cadeaux qui demande à ce qu'on lui rend. Ça, une fois que le petit a grandi, il les remballe. Il les remet sous cellophane. Sous blister, ça dégage. Ah bah oui. Non, lui, c'est comme le cousin du bled. Quand il est chez toi, il va dans ta chambre et squatte tes affaires. Ah ça te va encore, ça? Ouais. Ça te va? Ah ouais, et quand il va chez toi, Sarah, je peux te dire qu'il te sent les culottes. Ah, quand c'est chez une copine, c'est pour sentir les culottes. Oh. Hein. Hugo a fait le 0870 42 48. Il habite Tarbes. Ça va, Hugo? Ça va, les produits, ça va, les vieux. Et toi, ça va, Jean-Marc? Ça va, la famille, tranquille. Là, on sort du resto avec mes potes. Là. Ah oui, apparemment, c'était arrosé. Hein. Ça va, Hugo? Attends, ils sont en train de m'attendre dans ma voiture pendant que moi, je me les gèle dehors à 5 degrés. Oh putain, c'est gentil. Tout ça pour s'amuser avec nous. C'est bon, ça, mon Hugo. Hugo, on t'aime. Raconte-moi, mon Hugo, alors. Alors, moi, les anecdotes de famille, les repas de famille, j'adore quand ma petite sœur de 19 ans ramène ses potes hyper chevrés. Ah ouais. Alors, ça, ouais. Bah qui fait ça? Ouais. Hein? J'ai jamais vu ça. Grave. Bah, moi je peux te dire, Sarah me ramène des copines, mais. Potard. Ah oui, potard, est-ce que ça t'arrive, tiens, toi? Que ma sœur ramenait des sœurs fraîches? Ouais. Enfin, des sœurs fraîches. Oui, il y avait un couvent à côté. Bah non, le problème c'est que moi elle connaissait l'animal. Ouais. C'était jamais les anniversaires chez moi. D'ailleurs, elle avait que des copines balafrées. Si des nanas n'étaient pas balafrées, ramenez personne à toi. Dire oh, oula, mon frère va encore te faire chier. Toi. Ouais. Non, mais c'est vrai, Hugo, t'as cette chance. Est-ce que tu sors avec les copines de ta sœur? Tiens, ça m'intéresse. Non, je suis pas dans cette dynamique, mais bon, voilà quoi. Elles sont vraiment chauffrées, quoi. D'accord. J'ai l'impression que tu vas y être rapidement dans la dynamique. Ouais, ouais. C'est un moyen. J'ai l'impression que ça, tu vas vite t'y faire, tu vas vite prendre le pli, comme on dit. On a tous été amoureux du pote de notre frère ou de notre sœur. Oui. Et après, on a été dégoûté des années. C'est une habitude, hein. Désolé. Qu'est-ce qu'il y a, mon Hugo? Sarah, c'est une habitude de tomber amoureuse des potes de son frère. Non, mais quand j'étais ado, oui. Ouais. Quand j'étais ado, j'adorais, c'était les grands et tout. Ouais. J'ai kiffé. Je peux te dire que ça venait jouer à la PlayStation. Les mecs étaient contents. Ils faisaient un tournoi à 3 et dès qu'ils posaient la manette, ils allaient dans la chambre de Sarah. Mais t'es mal, quoi. Dès qu'il y en a un qui jouait pas à FIFA parce que c'était le tour de l'autre, hop, chez Sarah. Mais t'es un grand malade. Non, mais c'est vrai, tu les accueillis avec un chocolat chaud. Ah, oui, j'avais un forfait. Là, t'avais une machine à café, tu sais. Vous voulez quoi, les mecs? Les gars arrivaient, ils grattaient à la porte. Oh, t'as encore perdu, merde! Les mecs prenaient des 6-0 par le frangin. Lui, il était content, c'était le meilleur du quartier. Tout le monde voulait aller jouer à la play chez lui. Il gagnait que quand il était chez lui, zone de confort. Ouais. Et en plus, si les mecs, ils avaient la voiture, c'était forfait illimité avec toi. Ah ouais, bah là, je peux dire, c'était, c'était du grand cadeau. Hugo, va au show, mon poulet. Va au show. Rico, je peux te dire un truc ? Vas-y, Hugo. Déjà, merci pour. Désolé, je suis dehors. Vas-y, vas-y. Et en gros, merci pour cette émission exceptionnelle hier soir. C'était vraiment énorme. Je vous ai suivi jusqu'à 4h du matin. Les 45 heures, c'était juste dingue. J'étais dans le public le 31 décembre. C'était juste ouf. T'es un amour. Et je reviens vous voir. Je monte à Paris. Là, je pars demain soir et je viens vous voir lundi. Ah bah super. Bah, on a hâte de te voir, mon Hugo, et t'embrasse tous les tarbés. Bisous. Bisous, mon Hugo. On t'aime. Quel bonheur. Puisque hier on a fait 8 heures d'émission en direct. Hein. On embrasse Maudrey qui a dû filer là, qui s'amuse avec nous avec l'histoire du dentier. On t'embrasse Maudrey, on t'aime très fort. On s'est régalé avec toi. Elle a dû filer à l'anglaise. Voilà, on continue là-dessus. Il y a Alice qui a un petit truc à dire qui est assez marrant. Et puis Malik est déjà dans son VTC avec le client. On va enchaîner. Ça va Alice ? Bonsoir l'équipe. Salut Alice. T'as fait le 0870 42 48. Raconte-moi un petit peu toi tes journées en famille. Ah moi j'ai horreur. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est Halloween pour toi. Ah mais c'est tout. Ouais, c'est un sacre repas. C'est-à-dire que tu sais à quelle heure t'arrives, mais tu sais jamais à quelle heure tu vas ressortir. Oh là là, ah ouais, les repas comme ça, ouais. Et puis c'est ouais, il faut qu'en fait il y en ait un qui parte pour amorcer les départs. Quoi. Ouais, mais le problème c'est que dans la famille on se voit pas souvent. On doit se voir peut-être 3-4 fois dans l'année. Ouais. Donc forcément on a tout le temps plein de trucs à raconter. Ok, mais si t'arrives à midi que tu repars, enfin tu sors de table déjà à 15h t'es encore à table, à 17h t'es encore à table, 17h30 tu te dis ouais c'est bon, il y a le dessert qui arrive, 18h c'est le café, 18h30 il y a le tonton qui dit bon bah allez apéro. Ah ouais. Bah c'est pour ça en fait que vous voyez que 4 fois. 23h. Bah ouais. Non, mais c'est relou. Bah c'est pour la santé, il faut pas se voir plus de 4 fois hein, si vous faites ça là. C'est... Non mais j'aime ma famille, il y a pas de souci, mais pas tous en même temps. C'est énorme ça, Alice. Et en plus, là-dedans, tu mets la balade digestive là. Ouais. Tu sais, le truc relou là. Le Dijon. Oui, oh oui, c'est ça. C'est la petite balade pour digérer parce qu'on a bien mangé une choucroute ou ça va être l'époque de la raclette, donc ça va le faire. Et en plus, tu sais, le soir, tu manges les restes du midi. Ouais, grave. Ouais. Donc tu fais un 24h. Le repas du midi, là, j'en peux plus. Alors, le soir, c'est faut même pas m'en parler. Hein. Ah ouais, bah c'est clair, si tu fais le dessert à 18h30, c'est compliqué. Hein. Non, mais t'as raison, Alice, c'est chaud. Et c'est pour ça que finalement après tu te vois moins parce que tu dis putain à chaque fois oh là c'est encore une orga, tonton il va être bourré, il va s'embrouiller avec Madeleine et ah ouais c'est compliqué. Ah ouais, ils repartent avec des tupperwares. Ah bah Alice j'ai la même. Famille Groseille. Alice c'est toi? Chloé c'est toi ma cousine? C'est toi, il faut le dire maintenant. Oui c'est ça. Tu m'as balance. Alice en tout cas on se sera bien marré. T'aimes bien le VTC Alice ou pas? Ouais. Eh ben écoute, on y va avec Malik pour un gros délire. Merci d'être passé, on te fait un petit cadeau, merci Malice. Merci à vous et merci pour le cadeau aussi. Bisous. On t'aime fort, merci Alice. Bisous. Allez, c'est le VTC de la peur. Imaginez la scène, vous êtes client d'un VTC. Et là, flash info à la radio. Vous apprenez que votre chauffeur est un criminel qui cherche à vous kidnapper. Ça fait flipper, non? C'est le VTC de la peur et c'est maintenant sur Énergie. Eh oui, les amis, Malik va ce soir récupérer un client. Il va allumer la radio, on va annoncer qu'il est recherché. Mais vous allez voir que la gueule de bois est totale. Il est cuit par rapport à cette soirée d'Halloween. En fait, il n'en est rien, les amis. C'est pour ça l'alcool avec modération. Et il va jouer un tour à son client. Il va découvrir un petit peu ce qui s'est passé dans la soirée au fur et à mesure de son VTC. Et oui, c'est le blackout, c'est le trou noir. Vous allez voir, les amis, que... Oh là là. C'est chaud. Il y a du string, il y a du sang, il y a du couteau. Il y a des gens qui vont le reconnaître dans la rue. Il y a beaucoup de complices sur ce VTC, de quoi amener l'anxiété du client. Et puis on annoncera évidemment que Malik est recherché, il le découvrira à la radio en même temps que le client. Et oui, il se souvient de rien. On se met Sylva là, sur Énergie. On est là jusqu'à 23h. It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short while. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. Tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, tomorrow, Allez, le maître est de retour. Ce soir, le maître est de retour. Le champion du monde de la catégorie VTC reprend son volant. Malik, le chauffeur le plus terrifiant, va vous faire trembler de peur. Eh oui les amis, complètement fou, il ne se souvient mais alors plus du tout de la soirée de la veille. Eh oui, notre ami Malik a bien fêté Halloween et d'ailleurs il a la gueule de bois. Vous allez voir qu'il est très en forme et surtout ne se souvient plus de rien. Et du coup, au fur et à mesure de sa course, eh bien, les moments vont revenir. Jusqu'au moment où le flash info va retentir et l'aiguille un petit peu sur la soirée de la veille. On se connecte avec Malik qui est avec son client. C'est parti. Oui, c'était bien. J'étais sympa. Ouais, j'étais déguisé en nounours garou. Voilà. Ah, vous étiez déguisé en nounours? Ouais. Ah ouais. Et vous avez fini votre soirée tard? Ouais, 6h du mat. Et vous avez travaillé? Je sais plus ce que j'ai fait hier. Ouais. Moi, je me rappelle plus trop de ce que j'ai fait hier. Vous avez fait la fête ou... J'ai commencé la fête et j'ai bu un petit peu jusqu'à minuit et demi. Et après, à minuit 45, j'ai commencé à oublier. Il y a un trou noir, en fait. Minuit 45. Ouais, un peu, je crois, je me rappelle parce que j'ai regardé ma montre et j'ai vu 45 affichés et un trou noir direct. Et après, je sais plus si... Après, j'ai cru que je tenais la main d'un monsieur. Et il m'a dit, la dernière phrase qu'il m'a dit, ce monsieur, il m'a dit, viens, on va chez moi, et t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. D'accord. Et quand ce monsieur, il m'a dit ça, et ben là, trou noir. Vous êtes ma première course. C'est dans un bar, chez quelqu'un? Non, je crois que j'étais, après, chez lui, je sais pas, et du coup, là, je suis rentré dans mon voiture, j'ai dit, merde, faut que je travaille. Et du coup là vous êtes ma première course là du travail et du coup je vais écrire. Mais je sais pas, je me rappelle pas ce que j'ai fait hier. Je sais que j'ai pris ma voiture, mais là je viens de monter dans ma voiture il y a 20 minutes, je me rappelle plus de rien. Et là vous êtes encore vous êtes conscient ou ben, dans les vapes ou... Là j'ai encore des vapeurs un peu d'alcool, je sens je crois un peu des trucs. Ouais. Ça sent un peu, ouais, j'ai des petits d'alcool. Mais après, tout ça est faux. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Mais faut que je regarde dans ma voiture, parce que je me rappelle, il y avait une scène dans ma voiture. Allez, fouille ta voiture. Il y a eu un truc dans ma voiture, je crois qu'il y a eu un truc. Je me rappelle de là. Attendez, je vais regarder s'il n'y a pas des trucs. Je regarde là parce que je crois que c'est un boîte à gants. Ah ouais. Oh là là. Mais il a qui ce string? Mais non. Laisse parler de Clint, vas-y. Laisse-la. Hein? Excusez-moi. Ouais, non, parce que j'ai un string dans ma voiture. C'est à vous, madame. Monsieur. Non, je suis parti avec un monsieur, je m'en rappelle très bien. Vous êtes marié? Vous êtes je sais pas, votre ami ou quelqu'un? Non, en fait, je fréquente plusieurs personnes à la fois, du coup, je sais plus où mettre la tête, mais je sais pas, il est à qui celui-là. Parce que je me rappelle de tout le monde, mais pas de celui-là, c'est bizarre. D'accord. Attendez, c'est quoi ça derrière, là? Putain, c'est le couteau. D'accord. C'est pas le couteau? Voilà. Non, c'est quoi ça? Je peux pas vous parler. Oh putain, un couteau. Oh putain. Voilà. Oh putain, c'est du sang ça? Non, c'est une plaisanterie. Non, c'est du sang ça, c'est pas du faux sang, c'est pas du faux sang ça, madame. Non, c'est Halloween. Non, mais ça c'est pas du faux sang ça. Vous êtes pas sorti, je sais pas, moi déguisé. J'ai fait de mal à personne, j'espère. Non, mais ça. J'espère que j'ai fait mal à personne. Non, mais je crois que je me rappelle de quelque chose. Je crois qu'il y a un mec qui m'a agressé et je crois que je lui ai mis un coup et je suis parti. Mais je suis pas sûr. Bon, il était moche, il avait des lunettes. Quand je l'ai planté, il m'a dit je m'appelais Jean-Marie. Je m'appelle Jean-Marie. Ne me frappez pas. Oh le bâtard, il fait des dédicaces. Un sous-marin comme ça. Il est à l'aise. Il continue. Je vais te défoncer, gros. Et après, il y a un autre mec, il est arrivé, je crois. Il criait, il me dit je m'appelle Amrik. Et je lui ai dit ta gueule, je t'ai jamais aimé, connard. Et je t'ai planté, Je te déteste. Je me rappelle de ça. Je lui ai porté un coup à la tête. Oh non. Je crois que c'est ça. Non. Il est fou, ce mec. Les amis, ce VTC commence à monter en pression. On va avoir de l'action. Sylvain va arriver et vous allez voir que c'est l'ex de Malik, tant recherché, et il a quelque chose à remettre à Malik. On va avoir aussi les messages de Sylvain, messages vocaux de son téléphone, ouais, qu'il va écouter devant la cliente et qui vont l'aider petit à petit à se remémorer. Couteau ensanglanté, string, voilà ce qu'on a pour l'instant. La mémoire va vite revenir et on va lui rafraîchir avec un flash info qui va l'annoncer recherché pour ses méfaits de la veille. La cliente va flipper, ça va être énorme. Trois cafés gourmands. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle? Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gnole, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, plus sur les monétières. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est les petits enfants de ce joli coin de France. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. C'est le VTC de la peur. Malik au volant, terreur au tournant. Attachez-vous, danger. C'est le VTC de la peur sur Énergie. Eh oui les amis, Malik ne se souvient plus de rien. Soirée un peu trop arrosée hier, c'est la gueule de bois. Tout va se passer maintenant jusqu'au flash info. Il n'y aura plus de titre entre tous les actions là. Wow. Jusqu'au flash, les amis. Ça, wow, va, ça va y aller. Ça va y aller très très fort. Vous allez voir que les messages vocaux vont pleuvoir et il va se rappeler un petit peu et se remémorer de sa soirée. Ça va être énorme, les amis. On se collecte avec Malik dans son VTC avec sa cliente qui a découvert un couteau ensanglanté, ah, et un string. Sylvain va bientôt agir, n'est-ce pas, Sylvain? Ah, ben je suis à côté, j'attends, hein, j'attends qu'il déboule, tu vois. Très bien, ah ouais. Sylvain. Top à Sylvain, dès que tu peux, on se connecte avec Malik. Déjà, dans un premier temps, ce serait déjà le plus simple pour vous comme pour moi. Et puis, essayez de réfléchir. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Mais je vous ai dit, j'étais avec ce monsieur qui m'a tenu par la main et qui m'a dit, viens à la maison, on va s'occuper de toi. Un monsieur, il ressemblait à quoi? Oh putain! Fou! Non, il veut nettoyer les carreaux, je sais pas ce qu'il veut faire. C'est qui? Hein? Vous êtes en avion? Ah, bien sûr, je cherchais toute la journée. On se connaît? Ah, bien sûr, on a passé la soirée tous ensemble. Hein? Allez, pas semblant. Hein? Je me rappelle pas. Bah non, je me rappelle pas. Mais tu te fous de moi. T'es déjà en plumard toute l'après-midi. Bah, attendez, c'est mon caleçon, ça. Bah ouais, regarde. C'est mon caleçon, ça. Hein? Et pourquoi vous avez un caleçon à moi? Il est un peu sale, de toute façon. Hein. Va falloir que tu l'étends un petit peu, celui-là. Qu'est-ce que je veux dire? Ah, mais je suis rentré avec toi hier soir. Bah bien sûr que t'es rentré. Ah bah voilà, une partie du puzzle. Je suis rentré avec le monsieur, c'est le monsieur qui m'a tenu par la main, qui m'a dit, vous m'occupez de vous, c'est lui. J'ai juste une petite question. Hier soir, elle était dans quel état quand vous l'avez... Ouais, oh, elle était pas frais. Hein. C'est-à-dire qu'elle était pas frais, mais bon. Ah ouais, réanimé, je l'ai réanimé à ma façon. Oh, franchement, ah. Bah, ça devait être super. Si t'as mon caleçon, franchement, c'est que ça devait être une bonne partie. Hein. Et là, t'as pas trop mal. Bah, je m'attends, j'avais un peu du mal à marcher, je t'avoue. Ah. Quand j'ai repris ma voiture tout à l'heure, d'ailleurs, je cherchais des béquilles parce que j'arrivais plus vraiment à me dandiner. Hein. Allez, c'est bon, vous n'allez pas débattre de vos rapports devant la cliente pendant deux heures. Allez, tire-toi, Sylvain, on se connecte avec Malik. Ah, salut, au plaisir. Hein. Tu m'appelles. Hein. Bah, il n'y a pas de souci. Oh, pas de souci. Parce que franchement, Ouais, je sais, on me dit souvent, on me dit souvent ça. Je suis un bon coup. Hein. Allez, casse-toi, connard. Ouais, ouais. Putain, je me rappelais plus de lui. T'as un client, t'es putain, sympa. Bah, voilà, là, on s'est rappelé là. D'accord, vous vous en souvenez maintenant? Ouais, bah là, je me souviens de cette partie. Je suis allé chez lui. Je pense que là, après à ce moment-là, excusez-moi, pardonnez-moi de parler comme ça, mais je pense qu'il m'a fait le péteux. Et après, après, on a fait quoi? Coquette, ouais, bah, il l'a fait. Et puis après, je m'en rappelle plus, trou noir. Rassurez-moi, vous vous en souvenez? Enfin. Mais le couteau, par contre, je m'en souviens de rien. Le couteau, c'est chelou. Hein. Le couteau, franchement, c'est chelou. Oui. Pourtant, j'ai aucune trace sur moi de sang. T'inquiète pas, Malik, tu vas vite le savoir sur le flash info. Malik, regarde ton téléphone, t'as des messages vocaux. Dis-lui que tu vas écouter par Bluetooth. Ce qui va te permettre de pouvoir l'entendre dans les enceintes de la voiture. Vas-y, annonce-lui. Mon téléphone, il y a peut-être des trucs, je sais pas. Attendez, j'ai des messages vocaux. Allez. Attendez, je vais les mettre sur la voiture. 3, 2, 1. Tu peux allumer. Ouais, Malik. Oh là là, mon petit cochon, c'est ta bête au téléphone. Hier, tu t'es tapé vraiment tous les mecs. Hein. Oh, cochon, va aller, rappelle-moi. Ah mon biquet. Putain, je me suis réveillé ce matin et je te cherchais dans le plumard. Et j'ai juste ton caleçon. J'en fais quoi de ton caleçon, là? Hein? Va falloir que tu viennes le récupérer, celui-là. Allez, ciao, rappelle-moi. Putain, Malik, tu es vraiment un enfoiré, putain. Tu m'as fait mal toute la nuit. J'arrive plus à marcher à cause de toi, putain. Laisse-moi tranquille, c'est fini. Plus jamais je fais une soirée avec toi, plus jamais. Il a coupé le Bluetooth, qui était en fait la radio et qui permettait à Malik de diffuser les messages vocaux. On se connecte dans la voiture, réaction. Mais non. Oh, désolé. Ça vous fait rire. On m'a pris en sandwich et ça vous fait rire. Je comprends, je suis désolée, mais il y a un moment donné, pour mettre les choses dans le contexte. Donc, vous vous êtes amusé hier soir? Bah apparemment, ouais, j'ai fait la dégringolade. Hein. Apparemment, elle est trop gentille. Ça fait de la peine. Non, plus sérieusement, non, mais parce que là cette partie-là, c'est sympa. Enfin, je pense que ça a été sympa pour vous. Bah, je pense que ça a été cool, mais je m'en rappelle plus, c'est bien dommage. Non, mais je pense que le couteau, c'est je pense que vous avez dû vous amuser et... Non mais je pense que j'ai dû couper du. Non. Quand vous êtes rentré chez vous, vous étiez plein de sang. J'avais. Bah, quand je me suis réveillé, j'avais pas de sang, mais j'avais très mal à l'arrière-train. C'est tout ce que je m'en rappelle. Mais. Ouais bah il était assez balèze celui-là. Je veux dire, on l'appelle le bulldozer. Ah je m'en rappelais. Ouais. Il y allait pas de ma mort. Ah oui. Ouais. Mais je crois que j'ai coupé de la viande avec le couteau. Voilà, c'est de la viande. Ouais, j'ai coupé de la viande, mais je m'en rappelle plus c'était quoi. Putain, fais chier, putain, il y a juste le couteau qui me gaffe, quoi. Peut-être que vous avez eu une fringale avec vos amis, enfin... Non, il n'y a pas eu de fringale avec mes amis, ils m'ont juste fait le péteux, c'est comme je vous ai dit. Ah, mais après une petite, je sais pas moi, une petite... Après votre récréation, vous avez dû sûrement avoir faim, Non, c'est pas ça. Quelque chose. Non, c'est pas ça, je comprends pas, là, putain. Là, ça commence à faire chier, là. Là, faut trouver. Non, faites attention là devant vous. Ah, excusez-moi, j'ai un peu la tête ailleurs, j'ai un peu du mal à conduire. Hein. Ils ont l'air bien copains, ils ont l'air bien sympas, elle est super gentille. Elle est cool. Les amis, on va se mettre Drake, et puis derrière Drake, on va allumer la radio, on va rafraîchir la mémoire à Malik, c'est pas ce qu'il pense, son couteau, c'est pas de la viande. Vous allez vite voir qu'il a commis des crimes durant le soir d'Halloween et qu'on recherche ce chauffeur VTC. On va voir si la cliente elle a autant d'empathie pour un criminel lorsqu'elle va entendre à la radio que son chauffeur VTC est recherché dans le tout Paris. Et oui, et puis la petite culotte, on a des nouvelles aussi de la petite culotte. Ah oui, Ah bah c'est pas le portrait qui se dépeint de lui-même. C'est pas ce qu'il veut se faire croire. Il est dans le déni, monsieur. Croyez-moi, ça va être complètement ouf. Juste après Drake, on va mettre les choses en place. Et on va voir comment la cliente va réagir. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Look, the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off, and they don't know when to stop. And when you get top, and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Two bad bitches and we kissing in a wave. Kissing, kissing in a wave. Kissing, kissing in a wave. I need that black card in the cold to the safe. Cold to the safe. Cold, cold to the safe. Safe. I show them how to network. Fuck that Netflix and chill. What's your network? Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. I got a new boy, and that nigga Trey. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Imaginez la scène. Vous êtes client d'un VTC. Et là, flash info à la radio. Vous apprenez que votre chauffeur est un criminel qui cherche à vous kidnapper. Ça fait flipper, non? C'est le VTC de la peur. Et c'est maintenant sur Énergie. Ouais, les amis, on est avec vous du lundi au vendredi, 20h-23h. Malik a fait une grosse soirée Halloween. Il a d'ailleurs, eh bien, une belle gueule de bois. Il ne se remémore, eh bien, absolument rien de la soirée. Il a fallu vraiment qu'on vienne à lui avec des indices, un couteau avec du sang, une petite culotte. Son ex, Sylvain, qui lui ramène son caleçon. Il a fallu qu'il écoute ses messages vocaux. Il s'est créé une petite thèse autour de cette fameuse soirée, lui qui a eu des blackouts. Eh bien, vous allez voir qu'en fait, il n'en est rien de cette histoire. Et on va l'éclairer lorsqu'il va allumer la radio. Il va apprendre qu'il est recherché dans le tout Paris. Via un flash info, il va tomber des nues. Hein. Ah, ouais, ouais. Et on a une cliente qui est dans l'empathie. Mais non, ça va aller, monsieur. Ok, il n'y a rien. Oh, vous rigolez, c'est Halloween, le sang, tout ça, le couteau, machin. Tout va bien. Alors, on va voir pour combien de temps encore va-t-elle être dans l'empathie et va-t-elle rigoler qu'elle se marre. Bah ouais. Pour l'instant, elle se marre. Hâte de voir sa réaction. Hein. On va voir tout ça, les amis. Derrière, il y aura la battle de Tinder. Qui de Sylvain ou de moi est le meilleur séducteur? On a créé un profil Tinder. On a la même gueule dessus, le même prénom, la même fonction. Ouais. Et ça nous permet de draguer sur un pied d'égalité. Alors, qui sera le plus fort? Ce sera juste après, les amis. Et on parlera des petites galères. Petite galère, parce que des fois on galère un petit peu. Ah oui, oui. Là, là. On a du temps. Et puis un jour férié, quand tout est fermé, on a un petit peu de temps. Des fois on galère. C'est vrai. Ce qu'on fait quand on galère, on s'en parlera. On se connecte avec Malik dans le VTC de la peur. Non mais faut pas rigoler. Non mais en fait, moi, ce qui me gêne le plus, c'est que de ce que je me rappelle de ma soirée, c'est que j'ai couché qu'avec des hommes alors que je suis hétéro. En fait, c'est ça le bordel. y a un petit problème dans ma tête et il y a un petit décalage émotionnel. Attends, et je suis en train de me dire, putain, je me suis fait siffler toute la nuit. Alors que normalement, c'est moi qui siffle. Tu vois, je veux dire, dans l'histoire, c'est moi l'arbitre normalement. Je suis avec des hommes, étant donné, vu du dernier message, ouais. C'est une femme. Enfin, ouais, mais là, je m'en rappelle. Non, non, c'était JM, c'était un homme. Pas une femme. Non, c'était pas une femme. Je crois qu'elle se faisait appeler pour une fille. Elle se faisait comment appeler ça? Elle se faisait appeler Sarah, je crois. Mais c'était pas une femme. Elle avait des gros sourcils. Oh non, elle avait. Chewbacca, quoi. C'était un mec. Ouais, non, c'était un mec. Hein. Non, elle était dégueulasse. Mais après, je me suis dit, c'est peut-être parce que j'étais bourré. Bon, en même temps, on peut toucher qu'à ça qu'en étant bourré. Non. Mais. Ouais, c'est peut-être ça. Non. C'est pas méchant que vous avez dû faire la fête. Mais c'est bien hein, que vous vous souveniez pas de ce que vous avez fait hier soir. Bon, enfin, on va allumer la radio. C'est terrible de votre soirée. Enfin, c'est pas normal, hein, je vous le dis. Hein. Ouais. Je me disais peut-être que vous allez m'aider, mais. Mais c'est la première fois que ça vous arrive ou. Non, ça fait à peu près 6 ans. Non, mais 6 ans de blackout total. Non, 6 ans, tous les Halloween. Ah oui. Ah d'accord. Tous les Halloween. Ah oui, tous les Halloween, à chaque fois je retrouve du sang dans ma voiture. Moi, je vais vous poser une question qui est très très indiscrète, mais. Ouais. Vous prenez des substances à côté ou... Ah non, jamais de Doliprane du tout, jamais. Non. Le mal de tête et tout, moi je suis quelqu'un de bio. Hein. J'utilise petit bambou, je fais beaucoup de méditation. Ah oui, non, pas de substance. Hein. Allez, allume la radio. On va mettre un peu de musique, comme ça au moins ça me détend. Par contre, ça c'est la seule substance que je prends, c'est la musique. Ouais. Malik va allumer la radio, on va l'annoncer, rechercher évidemment. Malik n'a pas bu, ne boit jamais, hein, je vous le dis. Et si vous buvez avec modération, et c'est un petit peu pour ça qu'on le fait aussi derrière, on se souvient plus de rien et ça peut aller très loin. Bon, c'est rare hein, quand même quand vous faites des conneries comme ça, mais ça peut aller loin. Allez, Balik, tu peux allumer la radio. On va annoncer que tu es recherché dans le tout Paris. Taki, taki, rumba. Je vais couper la musique. Obligé d'interrompre la musique sur énergie, c'est pas dans nos habitudes, mais un chauffeur VTC se serait confondu dans une histoire complètement folle. Hein. D'ailleurs, Sarah Cadour, notre journaliste, est là. Bonsoir Sarah. Bonsoir, alerte, le tueur d'Halloween collectionneur de culottes serait sur le point de faire une nouvelle victime à bord de sa Citroën noire. Après une soirée sanglante au cours de laquelle il aurait poignardé d'un coup de couteau une cliente avant de lui voler sa culotte, ce dernier serait sur le point de faire une nouvelle victime. Le chef de gang s'appelle Malik, il a 26 ans et il se sert de sa couverture de faux chauffeur VTC pour enlever ses clients et sa technique est bien rodée. Le forcené se sert de l'aide de ses complices pour déstabiliser le client et le conduire jusqu'à sa planque en leur faisant croire à un blackout. Et oui, apparemment, il aurait tout oublié de sa soirée. Son premier complice, Sylvain Neuneu, fait mine de l'interpeller afin de lui remémorer la soirée de la veille, puis s'ensuit alors de faux messages vocaux pour le crédibiliser. Si vous le croisez, fuyez immédiatement. Merci Sarah pour ces nouvelles. Toutes les radios sont obligées de faire cette dépêche. On repart en musique sur NRJ. Il faudrait tout oublier. Il a coupé la radio. Les amis, évidemment, c'est une supercherie. On écoute la réaction de la cliente qui sait maintenant que Malik est recherché malgré lui. On se connecte. Mais vous avez l'air d'être vous avez passé une bonne soirée, ce que je vois. C'était une bonne soirée, mais ouais. Je sais pas. Mais, d'accord. Juste une petite question. Oui. Vous, chaque année, vous sortez avec un couteau, enfin vous promenez avec un couteau comme ça ou Je crois que ça fait des années ouais, je me promène avec un couteau. Ouais. Alors, entendez, et votre ami là que vous avez vu tout à l'heure, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps de... L'ami que j'ai vu tout à l'heure, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, ouais. D'accord. Ouais, je le fréquente, ouais. D'accord. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Vous allez me déposer au coin de la rue, là, juste là. Non mais je vous dépose chez vous hein, c'est bien. Non, je préfère vous déposer chez vous. Non, mais là j'ai pas perdu la mémoire, là je sais très bien ce que je fais, je vais vous déposer chez vous. D'accord. Parce que j'aime bien faire mon travail correctement. Par contre ça c'est une chose que j'aime bien, c'est une de mes qualités. Non, je vais vous déposer chez vous. Non, c'est mieux. C'est à votre avantage, merci. Non mais juste au coin, ça me suffit. Non, chez vous. Bah écoutez, le problème c'est que chez moi, en fait j'attends mon mari qui est juste au coin de la rue. Il vient de m'envoyer un message et ouais. Que j'étais avec vous. Ouais, mais j'en ai rien à foutre de votre mari, je préfère vous le dire direct. Par contre, vous allez changer de ton. Ouais, mais j'ai pas à changer de ton. Là, ça chauffe, hein. Ça chauffe. Est-ce qu'elle a compris? Mais oui, mais je pense qu'elle a une technique peut-être. Hein. Elle essaye de garder son calme exprès, je sais pas. Les amis, je suis obligé d'envoyer une pub. Je suis obligé. Je peux pas faire l'inverse. Je suis obligé. J'ai un décompte, je vous le mets sur les réseaux. Je suis obligé. Dans 38 secondes, elle part. J'ai 3 minutes. Après, on a plus de pub jusqu'à 23h. J'espère que ça va tenir 3 minutes, cette histoire. Sinon, elle est en train d'appeler les flics avec son portable en stress. Je sais pas. Au pire, voilà, elle sera débranchée. Je sais pas. Je sais pas comment ça va finir. Pour l'instant, elle est très calme. On va essayer de la garder et Malik d'être sage. Hein, pour faire la vanne, c'est complètement ouf. 3 minutes, on est de retour là. Et après, c'est Tinder, les amis. Et on parlera de des galères. Allez hop. Leur destin sont entre vos mains. Votez maintenant pour vos artistes préférés sur énergie.fr. Refix.fr by Crédit Mutuel vous invite au Energy Music Awards. Participez dès à présent au concours du meilleur fan. Et rendez-vous le 10 novembre à Cannes en direct sur TF1 et Energy. It's music only. Energy. We'd be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see ya. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. I can feel the tension. We could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Avec vous jusqu'à 23h et je suis obligé de reprendre tout de suite parce que le VTC est en vrille, les amis. Ça gueule de partout. Si vous le rejoignez, Malik a récupéré une cliente, elle est dans la voiture et Malik vient d'apprendre soi-disant à travers la radio tout ce qu'il a fait la soirée de la veille. Eh oui, il a une gueule de bois, il avait du blackout, perte de mémoire et là il apprend tout ce qui se passe. Il est comme un dingue. La cliente qui était dans l'empathie, qui essayait de l'aider à se remémorer la soirée, ne se doutait pas que cette soirée avait été aussi criminelle. La voilà maintenant en stress, on se connecte là-bas, je crois que c'est le poulailler total. On se connaît. Vous me touchez pas. Vous me touchez pas la boîte. Vous me touchez. C'est bon, je vais vous. Je viens avec moi. Si tu putain, je t'embarque. Je te lâcherai pas. Je n'ouvrirai pas les portes. Dites ma mère, ouvre les portes. Mais je n'ouvrirai pas les portes. Ouvre les portes. Ça fait 4 minutes, tu me casses la tête. Je n'ouvrirai pas les portes. Vous êtes dans la gueule. Vas-y, mets une bouteille dans la gueule. Mais tu es un voyant. J'ai eu pire que toi dans ma vie. Pire que toi. Pire que toi. T'es rien pour moi. T'es rien pour moi. T'as de la force, je dis pas le coup. Non, je ne laisserai pas. Lâche-moi la pierre, arrête. Lâche-moi. Arrête, non. Non, arrête, lâche-moi. Arrêtez. Arrêtez, madame. Arrêtez, madame. Arrêtez, madame. Lâchez-moi. C'est vous, lâchez-moi le coup. Lâchez-moi le coup. Laissez-moi par l'accident. Lâche-moi. Laissez-moi. Sors de la voiture ou j'appelle les cops. Laisse-moi sortir de la voiture. Arrêtez. Mon mari va te déchirer. Mais il n'est pas recherché, tout ça n'est que blague. Attends, j'entends les flics. Attends, mais c'est les flics. Non, arrête. Ouais, c'est, pas lui. C'est pas elle qui a appelé les flics. C'est Malik, c'est toi, la police. C'est toi, la police. Elle a pas appelé les flics. Oh putain. Attends. Oh putain, merde. T'as pas entendu? Vous l'avez entendu la police? C'est Giro, ouais. Oh putain, c'est ce qui. Souvent, il arrive en. Oh là là, putain. Oh putain. Vous l'avez entendu, Giro? Ouais, je sais pas. Ouais, parce qu'en fait, on a les fenêtres ouvertes et souvent, Malik, ce qu'il fait, c'est pour bien montrer énergie. Il repasse par énergie, ce con. Elle a dû appeler les flics. Malik, ça va, Malik, ou quoi? Je vous rappelle dans deux secondes, Amri. Je vous rappelle, c'est chaud, je vous rappelle. Oh là là. Putain, chaque fois. C'est la classique. Hein. Oh là là, putain. Eh, on va. Eh, tout. Oh putain. Il s'est fait interpeller là. Ouais. Et moi qui voulais parler des galères. Ah, ben, voilà. Je vous jure, derrière, je me suis dit, on va parler des galères parce que les jours fériés, c'est vrai qu'on galère un peu. Toujours. Il y a tout qui est fermé. Bon, quand il n'y a pas la famille ou qu'à la famille, on essaie de s'esquiver. Il n'y a pas grand chose d'ouvert, c'est la galère. Donc on va en parler. On devait se faire la Battle Tinder, mais vous voyez que là, j'ai la police au cul. Ouais. On va se faire la Battle Police déjà. Ah, déjà, on va faire celle-là. Bon, non, déjà, ils gagnent toujours. Hein. Ouais, déjà, la police, ils gagnent toujours. Ouais. Toujours avec eux. Ouais. Et heureusement qu'ils sont là. Mais voilà, on va essayer d'avoir des nouvelles de Malik. Allez. Est-ce qu'on peut le rappeler quand même, cet abruti que j'aime très fort, de Malik, pour prendre des nouvelles? Et on va parler des galères, ok? Ouais. Derrière, on fera le canular de la nuit. On fera l'appel à votre avis où je me ferai passer pour un policier. Comme quoi, les gars, je vous aime beaucoup. Parce que sans vous, j'aurais presque pas de vanne. C'est vrai. Je suis trop fan de ça. Vous déboulez 0800 70 42 48. On parle, les amis, de tout ça. On prend des nouvelles de Malik. Ça se passe bien? Ça se passe bien, Malik? Bonne soirée, au revoir. Désolé, excusez-moi. Excusez-nous, au revoir. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais il y avait la police. Il y avait la police, Amric. Ah bah en même temps, elle a raison. Elle a appelé en cachette, la dame, et ils étaient derrière. Et du coup, ils nous ont arrêtés. Ils nous ont demandé ce qui se passait. Parce que la voiture, elle commençait à s'exciter, la dame. Et du coup, je leur ai dit que c'était rien. Je leur ai montré ma carte énergie. Et je leur ai dit que je travaillais à la radio et que c'était une séquence pour rigoler. Et ils m'ont demandé ma carte d'identité. Je leur ai montré. Et après, ils m'ont cru, ils sont partis. Oh là là là là. Elle est là, elle est avec vous. Je vous la passe. Bon, ça va, madame? Ah oui, ouais, non, ça va pas, non. Oh mon Dieu. Tout va bien, c'est une vanne. Mais comme quoi, on est vraiment bien protégé en France. Ouais. Franchement. Ah, ouais. J'y crois pas encore, ça, je réalise pas encore. Si, si. Non, mais vous avez eu le bon réflexe. Ouais. Ça va? J'ai eu la peur de ma vie. Ah, j'ai dû dire des bêtises, des gros mots. Non, je l'ai trouvé gentil. Hein. Oui. Franchement, plein d'empathie pour ce gros nul de Malik. Non, mais il m'a fait peur. En fait, je vais pas vous mentir, au tout début, je pensais que c'était... C'était quoi? J'ai une soirée bien arrosée, peut-être un peu trop alcoolisée. Ouais. Et c'est vrai que non, quand j'ai vu le couteau, là, j'ai commencé un peu à me poser des questions. Avec Halloween, etc. Non, Malik, il va se détendre. C'est fini, hein, tu vas te détendre. Non, mais il y a une voiture devant, putain, il veut pas rouler. Ah bon. Mais j'ai bien eu, hein, On vous a fait de TV LED. On vous laisse vous remettre de vos émotions et on va prendre vos coordonnées. On va passer aux galères. Tiens, les galères des jours fériés. Qu'est-ce que vous faites quand vous galérez, Sarah? Alors moi, quand je galère, moi j'ai une technique en fait, parce que je suis souvent en galère de thunes. Ouais. Et pendant les jours fériés, mon mec taffe. Ouais. Donc heureusement pour moi, et j'ai pris en photo sa carte bleue. D'accord. Comme ça, recto verso, et j'ai ses numéros de compte, donc je fais du shopping en ligne sur son dos, s'il te plaît. Sauf qu'il m'a cramé parce qu'il a reçu un SMS de confirmation, tu sais, les banques sécurité, il n'y a pas longtemps. Confirmez votre achat. Il a dit, est-ce qu'on peut mettre deux codes? Vous êtes températeur, ça? Non, ma femme. ma femme, voilà. C'est... Non, non, les piratages, jamais, mais ma femme, beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Ça. Je te blâme, moi, tu me fais ça. Ah, il faut appeler Mehdi, c'est lui qui galère là. Attends. Non, mais c'est ouf, c'est prends ouf. Ta carte. Bah non, il en est hors de question. J'ai pas un copec, tu devrais le savoir. Elle se transforme en potard et elle a eu la même réponse. J'ai pas un copec. C'est vrai, force de traîner avec potard, elle parle pareil. Elle a bien raison là, tu vois. Quelle aura. Oh non. Vas-y, sors-nous là, Sylvain. Si t'as été à l'école, Sylvain, on va pas s'en sortir. Allez, venez, les amis, vous nous dites quand est-ce que vous galérez, ce que vous faites quand vous galérez, quand y'a rien à faire, quoi. 0870 70 42 48, on se fera le caduit canular de la nuit. Allez, promise. Are you drunk now? Now to judge what I'm doing. Are you high now? To a skills that I'm ruined. Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. No promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling. I'm here now, energy's taking control. I'm speeding up, my heart beats dancing alone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Cause I need your green light. Day and night, say the trouble mine, cause I need. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Allez, on parle des fois où on galère. Tous les jours, Aymeric Bonnery est sur Énergie. Le Rico Show. 20h-23h sur Énergie. Eh oui les amis, on vous accompagne jusqu'à 23h. On est là du lundi au vendredi. D'ailleurs tous les délires, hein, les VTC sur le podcast, le Tinder de la peur qui était complètement ouf hier, à retrouver aussi sur l'application. Un concept fou autour de Sylvain. Tout ça s'est retrouvé sur l'application. Allez les amis, on parle des galères. On accueille Lisandre là, qui a fait le 0870 40 48. Il est corse. Ça va Lisandre? Salut Rico, salut. Patché, salut. Salut. Salut. Ça va, poulet? T'es en forme? Ouais, impeccable depuis le temps, ouais, impeccable, tranquille. Écoute, ravi de t'avoir avec nous. Hey, comment ça va, l'île de beauté? On fête un peu Halloween ou c'est une connerie d'américain? Non, c'est une connerie d'américain. Non, mais... J'adore les Corses. C'est pour non, ça que je veux dire. C'est fin novembre. C'est le 30 novembre. Ah ouais, c'est quoi? Raconte-moi, Lisandre, c'est intéressant. Mais vas-y. Alors, en fait, si tu veux, la Saint-Andrille, c'est un peu comme Halloween, sauf qu'en fait, nous, on va demander à manger et à boire. Ah, d'accord. C'est un autre budget, quoi. Ah, ben là, je serai là. Sylvain arrive, hein. Ça, c'est. C'est pour les pauvres. Ah ouais. Voilà. Donc, du coup, le 30 novembre, on passait de maison en maison. Ah, je resterai, c'est pour demander, en fait, à boire, à manger, mais il n'y avait pas de bonbons. C'était juste du pain, du saucisson et à boire. Eh, eh, Lisande, je vais te dire, ça c'est le pèlerinage du tombeur. Là, il sera à l'heure. Ah, je vais débarquer, je crois. Il part mi-octobre à la nage, hein, pour pas que ça lui coûte trop cher. Puis derrière, il arrive, il te défonce les baraques. Sauciflard. Et en plus, en Corse, tu te régales là-bas. Ah, c'est su, elle a bouffe, elle est terrible. Non, il y a tout qui est bien chez la Corse. Hein. Ouais. Chez les Corses. Non, mais c'est vrai, c'est sympa. Lisande, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que tu fais quand tu galères sur l'île de Beauté? Tiens, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu fais? Alors, en fait, j'avais 18 ans, je bossais dans une boîte de sécurité. Ouais. Et en fait, en plein été, je me suis retrouvé un peu en galère d'oseille. Donc, du coup, j'ai trouvé une astuce. Il y a beaucoup de camping-cars qui font du camping sauvage chez nous dans les villages. D'accord. Et en fait, j'ai pris ma voiture un soir, j'ai mis mon brassard de sécurité. Ouais. Et je faisais de village en village. J'allais voir les campeurs sauvages dans les camping-cars. Donc, je descendais, je tapais. Le type sortait, je disais voilà, je suis un employé de la mairie, donc je m'y tenais. Je suis un employé sur un stationnement qui est interdit. Si vous voulez passer la nuit là, il faut payer 20 euros. Non, c'est pas bien. Ouais, c'est du vol quoi, Lisande. Donc en fait, si tu veux, 9 camping-cars sur 10, ils me déboulaient les 20 euros et en fait, tous les soirs, je me tapais tous les villages des alentours de chez moi pour aller me taper les camping-cars et en fait, 9 sur 10, t'as payé. Donc du coup, je me suis fait un oseille de fou en pleine saison. Et le maire là-dessus, il a dit, putain, t'as raison de leur prendre du pognon. Demande à 50 la prochaine fois. C'est le con du continent, la preneur le pognon. Vas-y, repasse-y entre minuit et deux, tiens. Et tu fais à la demi-journée. Et tu me donnes 20%. Non, mais c'est du racket. Ah, ouais, c'est non, c'est pas bien, Moulisande. Mais il y a prescription, c'était à 10 ans. Oui, ouais. Ça va. Ouais, non, mais voilà, mais en plus, il faisait du camping sauvage, donc c'est interdit ce qu'il faisait. Donc j'ai dit, tu sais quoi, vas-y, je vais me faire plaisir. Ouais. Ah, mais je me suis bien fait plaisir. Hein. Ah, mais ça va bien. Hein. On est en galère, vous savez pas quoi faire, faites ça le soir, je vous jure, ça marche. Hey. Je vous jure, ça marche. Lisande, on dirait la version de Sylvain en Corse. Là, tu te fais un 13e mois avec ça. Hein. Imagine. Sylvain, je peux te dire que ça y est, il a choisi. Hein. Cet été, t'inquiète pas, t'auras la relève. Non mais c'est fou, non, hein, bah c'est fou. Attends, non, ne faites pas l'interdiction. Il y a 10 ans, oui. La prescription. Attends, c'est comme si on faisait avec le stationnement. Ouais, il a fait. Il le sait que c'est une bêtise. C'est une bêtise. Faut pas le faire. En tout cas, c'est vrai, c'est une bêtise, mais c'est lucratif. Hein. Ah ouais. Il est con celui-là. J'essaye de m'en sortir et puis non, derrière, je reviens. Ouais, c'est une bêtise, mais c'est lucratif, merde. T'es sûr qu'il y a 10 ans. Bon les gars, c'était hier. Hier, il y avait encore un connard là sur l'île, l'île Rousse. Non mais il est con mon Lisande. Lisande, et donc ça c'est la galère corse donc, d'accord. Ouais, c'est la galère corse, mais franchement ça marche bien. Je remercie les touristes à chaque fois qu'ils viennent. On te remercie aussi. Il est là, tu sais, lui à l'aéroport, il est avec les jumelles, tu sais, quand ça ou sur le port, quand ça décharge les camping-cars, il est avec les jumelles, ou les locations de camping-cars, il est là, il est posé, il est en plan. Tu sais, il a un poisson, il est dans un fourgon, il mate. Non, il fait des faux péages, tu sais. Ah ouais, le gars, il est bien. Lisande, merci d'être passé mon poulet, je t'embrasse. Merci à vous les gars, je vous fais des gros bisous. Ciao, Lisande. Quel bonheur de vous avoir. Tiens, on file à bord de péage en parlant de péage. Ah, oh là tiens, là. Sans transition. Alexandre a fait le 0870 42 48. Ça va, Alex? Salut l'équipe, ça va? Ça va, mon poulet? Alors, est-ce que toi, ça galère? Qu'est-ce que tu fais quand tu galères? Bah, moi, en gros, il y a à peu près 2-3 ans, tu vois, j'avais fait une soirée et j'ai amené des tomates cocktail, des petites tomates. Là, on était plein. Ah, les cerises, là. J'ai amené des petites tomates cocktail et c'est même pas moi qui ai payé, c'est mon père. C'est ton père qui a payé. Ah ouais. Rapproche-toi un petit peu du téléphone, Alex. C'est hyper intéressant, mais on n'entend pas tout. C'est ton père qui a payé? Okay. Ouais, c'est mon père, il a payé des tomates cocktail pour ma plus grosse soirée. C'est pas vrai. Et donc? Et c'est quoi? C'est-à-dire vraiment quand tu galères, t'envoies ton rep acheter des tomates cerises. Voilà. Et tu cailleras de dingue. En plus, la soirée, ça a dû être trop. Les gars, racaille. Gars, je veux dire, le corse se pisse dessus. Ah ouais, ouais. Attention. Wow. Le corse qui chope les. Wow. Qui embête les camping-cars, il arrive sur Alex qui va envoyer son daron. T'imagines payer les tomates cocktail. C'est tarba, toi, Alex. Quand il galère, il lui dit, hé, papa, il manque des tomates cerises. Et le daron, il arrive à acheter des tomates cerises avec la bicyclette. Mais le corse, c'est Alex qui l'a pris. La mariée, c'est sûr. C'est clair. Il est allez, Angèle, tout oublié sur Énergie, on est là jusqu'à 23h. J'ai envie de tout oublier cette histoire-là. C'est sûr. Oh là là. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois, je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. ce bonheur. Si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai ton jouet. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais, si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai ton jouet. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Quoi, tu viens de ça? Sylvain est fâché. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé là maintenant, parce que Sylvain est en, dans une colère noire parce qu'il galérait et il a posé les yeux où il fallait pas. On en parle. Ah, quand tout va bien, il y a tout le monde. Mais quand ça ne va pas, il y a qui? Eh ben personne. Ah si, si si, eux ils sont là. Le Réco Show, 20h-23h. Sur Énergie. Ouais, sur Énergie. Alors, je vous explique ce qui s'est passé là pendant le titre, parce qu'on se dit tout. Malik est revenu de son VTC, nous a fait un petit bisou. Et il avait effectivement une jeune fille qui l'attendait, parce que Malik a une vie privée. Malin. Mais on a compris que c'était un peu chasse gardée de Malik. Exactement. Oui. D'accord. Et elle s'est assise un instant, le temps que Malik nous dise bonjour, sur une chaise. Et il t'a fait une remarque, JM. Ouais, pourquoi c'est moi qui dois la dire? Je m'en fous. Il dit, putain, la fille avec qui attend Malik, elle a des dessous sympathiques. Mm-hmm. Et il a regardé ses sous-vêtements. Non, je recontextualise. Allez. D'accord. Ouais. J'étais en galère. Ouais. Donc j'attendais pour rentrer dans le studio. Oui, voilà. Ouais. Et donc pour passer le temps, je parlais avec la jeune fille. D'accord. Ouais. Et forcément, à un moment donné, elle était en croisée. Elle a croisé les jambes. Et forcément, mes yeux, ils sont partis un peu sur le collant, normal. D'accord. Et normal. Qui dit collant, elle avait des bas. Et donc, qui dépassait un peu de la jupe. Mais ouais. Forcément, qui c'est à cause des mecs comme toi qu'on peut même plus s'habiller comme on veut, ni en mini-jupe, ni en décolleté. Parce que vous nous matez. Mais n'importe quoi, tout bonhomme regardera ses jambes. Mais n'importe quoi, il y a des mecs bien élevés qui matent pas, comme JM ou Rico, jamais ils matent. Moi, je suis en colère parce que j'ai loupé. Non, je rigole, j'ai pas vu. D'accord. Et parce que peut-être que moi, j'ai les yeux bien placés, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Sylvain, ça c'est proscrit. On fait attention, surtout que c'est la copine d'un. J'ai compris ce qu'il veut dire, c'est que c'est malgré lui, il est pas cherché fouiller. C'est qu'elle a croisé les jambes, en croisant les jambes, il y avait le bas qui est apparu. Et lui, il a posé les yeux sur le bas. Mais on pose pas les yeux sur les jambes de la copine, d'un copain. Faites pas les mecs, d'accord. Mais vous êtes les premiers à regarder si y a une meuf où on voit ses bas. Alors, s'il te plaît. Arrête. Vous faites l'avocat du diable à deux balles, là. C'est ton poteau. Regarde pas la meuf de ton poteau, je sais pas. Tu mates les meufs de tes potes. Je la mate pas, d'accord. J'étais en galère de temps. Et alors, t'as trouvé du temps après ça? Eh ben, on a conversé, forcément, ben voilà, on a conversé sur. Voilà. Je sais pas si tu parles plus fort que t'as raison. Ça marche peut-être chez toi, mais pas ici. Nous, notre force, c'est le dialogue. Ouais, c'est ça. Allez, les amis, voyez quand on est en galère. Qu'est-ce que vous faites, vous? 0870 70 42 48. Sylvain, il a choisi. Il mate. Hein. Oh, le vieux cochon que tu es. Même quand il galère pas, il mate. Ça, il a toujours le temps pour. Tiens, on va accueillir Tony qui a fait 0870 70 42 48. Il habite Montluçon. Ça va, Tony? Ça va et vous? Écoute, impeccable. Qu'est-ce que tu fais quand tu galères, toi, mon Tony, quand t'as peu de temps? tu vois, moi de base, je suis vraiment un gros taxeur, tu vois. Ouais. Et tu vois, des fois, franchement, je trouve pas des potes avec qui sortir, c'est la merde, franchement, ouais. Tu vois, totalement. D'accord. Et ce que je fais, c'est que j'essaye de m'incruster dans toutes les soirées possibles. Ah ouais, tout seul, en solitaire. Ouais, tout seul, en solitaire. Ah ouais, alors attends, tenez, vous faites beaucoup de choses, vous, en solitaire, là, c'est ouf, ça. Ah ouais, moi, je suis très solitaire. Arrive. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis très solitaire, je sais pas, moi, je peux aller en soirée toute seule et là-bas rencontrer des gens et repartir avec eux, kiffer avec eux. D'accord, est-ce qu'avoir le verre solitaire, ça compte? Sylvain, comment ça se passe? Ah bah moi, non, ce que je fais, moi, j'envoie des messages, ouais. Et le premier qui répond, eh ben, je m'incruste dans la soirée. D'accord. Et oui. Voilà. Ah, donc, t'arroses comme ça? Non, j'arrose pas. Oui, j'arrose, oui, j'arrose. Oui, t'arroses de SMS. Non. Alors là, j'ai pas eu l'idée de te dire que t'arroses dans le sens où tu mets des oseilles. Voilà. Dans le sens, t'arroses de SMS. De SMS. Oh, comme mal m'a pris. Et j'arrive toujours vers le dessert, tu vois. Comme d'accord. Ça, t'es tranquille. Comme ça, t'es tranquille. Pourquoi? Bah, tu prends un petit dessert et forcément, ça, hop, ça rentre dans la note, tu vois. Ouais. Dans la note globale. Ah oui, d'accord. Donc, au resto, t'arrives au moment où les gars sont au dessert. Éclair au chocolat et puis le mec te dit écoute laisse tomber la petite salade de fruits Je la prends pour moi forcément. On va pas t'emmerder avec les 10 euros de la salade hein. Mais c'est vrai, non mais c'est vrai qu'il y a toujours des gars que t'invites. Moi j'avais fait une soirée au resto de mes parents et ils te disent désolé je peux pas pour le repas, on a une soirée mais on vient après. Au final ils viennent après, bah ils mangent tu vois, ouais, et ils payent pas, ils ont pris quoi, un dessert, un café et Sylvain lui il attend à l'angle de la rue hein. Il attend, il prend un café dans le bar d'en face, il dit putain ils sont encore au plat du jour là. Il touille, et quand les plats sont débarrassés, oh putain, non! J'accompagne, dessert. Non, je prendrai pas de plat. Il a peur, évidemment, qu'on lui prenne sa part. Ah, mais tu rigoles, mais c'est vrai que des fois, je fais ça. Ouais. C'est-à-dire que des fois, je viens un petit peu en avance, tu vois. Ouais. Et forcément, des fois, ils sont devant la vitrine et je regarde un peu provision son, tu vois. D'accord. Donc, je reste sur le scooter, j'attends, et une fois qu'ils sont au dessert. C'est sûr, il a déjà fait avec toi, Rico, c'est sûr. Ah ouais, putain, là il est en train de me décrire. Il arrive toujours au milieu du dessert, à croire qu'il m'a géolocalisé, terrible. Moi, c'est ça, je fais un peu pareil, tu vois, quand je suis solo en galère ou quoi, je regarde les stories de mes potes sur Insta, je regarde où ils sont, et je vais dans le bar, et d'un coup, je fais. Putain, mais c'est pas vrai, tu es là. Et la bim. Eh oui, ma foi. Putain, il est chez lui à la maison et tu sais, il a les tours de contrôle. Il a Insta d'un côté, Facebook de l'autre, Twitter de l'autre, et puis il analyse tout monter. Et il y a sa meuf qui est là aussi avec les lunettes. Bam, bam. Chérie, tu notes. Tu notes. Sylvain, pour l'instant, il est au Cyrano. D'accord. Sarah, elle est au berger. Ok, très bien. On recoupe. Je pense qu'ils vont se regrouper. Ils m'ont pas invité, les salauds. D'accord, ils vont se retrouver au bar. Ok, on y va. Non, mais il est ouf. Et du coup, te dis, toi, quand t'es solitaire, tu dis, voilà, t'aimes faire ça et t'essayes. T'es incrusté dans les soirées, c'est ça. Ouais, t'as vu, mais franchement aussi, tu vois, je vais te dire, il y a vraiment une technique pour que ça marche. Vas-y. Genre, en fait, le délire, c'est t'arrives, genre, il y a une personne et tout, tu fais, mais tu te souviens pas de moi, genre, tu sais, je t'avais vu à une soirée avec telle personne, tu te souviens pas. Et des fois, tu vois, ça passe, des fois, ça passe pas. Ça passe pas trop, en fait. Des fois, les gars, ils ont peur que tu l'embrouilles. Sylvain, il le fait et tout le monde le reconnaît parce qu'il a les gros bras. Mais c'est vrai, le côté, ouais, les gars, écoute, on se connaît. Et moi, j'avais fait ça, Tony, je vais te raconter. J'étais à Montpellier et j'étais avec une copine qui servait justement de la nourriture dans un mess, tu vois. C'est une cantine, quoi, une cantine. Ah ouais, un mess. Un mess Sarah ne comprend pas. Vous voyez pas ce que c'est? Non, je ne sais pas aussi. Vous ne connaissez pas non. En fait, vous avez des cantines. Ouais. Des cantines. Oui, vous voyez ce que c'est, des cantines? Sinon, à l'école. Des cantines. Tu dis cantine, voilà. Vous avez des cantines où vous venez comme Sodexo. Oui. Voilà, ils n'ont pas été à l'école, Tony, laisse tomber. Ils sont allez, arrête. Non, mais t'as une cantine. Vous voyez, une cantine. Ben oui, vous avez une cantine d'entreprise. Mais on n'a jamais été en entreprise, nous. Tu nous parles de cantine d'entreprise. Mais l'énergie, une cantine. Bah on n'a jamais bénéficié de la cantine. Bah vous pouvez y aller. Ah vous. On ne savait pas, bah dès demain. Trop cher. Tu fais de recharger son badge. Il faut payer, c'est gratuit. L'autre, elle a dit bénéficier. Est-ce que tu peux nous mettre sur la liste, Rico? L'autre, elle voulait. Et bref, et du coup, à un moment donné, je suis en taxi et elle me dit le mec du taxi, il vient manger à la cantine d'entreprise. Et pareil, le gars, je suis arrivé en taxi à côté et je lui ai dit Francis, il s'appelait Francis. Mais non. Je lui ai dit Francis, putain, c'est moi, tu me reconnais pas, Francis. C'est moi, putain, tu te rappelles pas, t'avais couché avec ma soeur il y a 10 ans. Oh. Et le mec me dit, ah bon, comment ça? Il était en angoisse totale. Je te jure, il était en angoisse totale. Du coup, il s'est arrêté et finalement, elle est rentrée chez elle et j'ai pris le taxi pour aller à l'aéroport. Non. On s'est raconté un petit peu le cap d'acte. Tu te rappelles pas, t'étais avec Marc, t'étais cuit complet. Ouais. Putain, à un moment donné, je t'ai sauvé. L'église. Tu voulais aller te baigner nu. Je t'ai dit reste là, Francis, putain. Le temps de discuter, on était à l'aéroport. Impeccable, gratuit, pas cher. Et oui, c'est comme ça quand on galère. Tony, et du coup, toi, tu taxes, vas-y. Ouais, non, franchement, je suis même vraiment à fond sur le taxage, tu vois. Genre, moi, tu vois, je suis fumeur. Ouais. Et je, en fait, Tony, problème, tu mets des suspens comme ça, ton ouais, temps. Tout le temps. Il attend que tu suives, en fait. Mais je suis Tony, je suis tout oui, vas-y. On est tous là. Non, et en fait, tu vois, je vais voir tous les gens que je connais, tu vois, et puis je leur demande vraiment si t'as pas du tabac à dépanner, mais genre, j'en prends pas un petit peu, tu vois, j'en prends beaucoup, beaucoup. Oh le relou. Oh là là. Hey. Hey, Tony. Tony. Ouais. Toi, t'es le pote qu'il faut pas avoir. Toi. Franchement, de Montana, t'as que le vrai nom. Elle l'a pas vu venir, celle-là. Elle est gratuite. Tu l'as pas vu, hein. Non, mais c'est vrai, Tony, putain. Tony, il est gratuit. Elle est arrivée vite, elle est arrivée vite, elle était bien placée. Hey, t'as vu, et en plus, j'ai pas mis de suspense. Non, mais Tony, c'est vrai, c'est quoi ce délire? Putain, quand t'as des potes comme ça, un peu rapia, c'est dur. Au quotidien. Moi, je vais te dire, Tony, à un moment donné, j'ai mis des distances avec le tombeur. Ouais, j'ai vu, j'ai remarqué, ouais. Non, mais c'est vrai, parce que, je t'explique, le tombeur, c'est insupportable, parce que tu peux lui faire plaisir, tu vois, tu peux le raquer et tout ça, et il va mal se comporter derrière. C'est-à-dire que tu vas lui faire plaisir, tu vas l'inviter, tu vas faire une bouffe, tu vas faire deux trucs, tu vas le dépanner, il a besoin d'un truc, tu dépannes, tu donnes un petit billet, tu l'aides, quoi, tu vois. Ouais. Mec, qui vient. Comme la soirée de ce soir. Voilà, bah exactement. Non, t'es là... Tu vois, là, tout à l'heure, tu vois, je suis passé chez un pote, tu vois. Ouais. Obligé, moi me connaissant, j'ai pas pu aller au tabac aujourd'hui, mais j'ai direct taxé du tabac, direct. Ah bah c'est ça, et c'est exactement ce qui fait le tombeur, c'est que du coup le gars, je suis là, je lui propose des doses et tout, et à un moment donné je lui demande de rendre service ou de faire un truc, le mec c'est un crevard. Par exemple Tony, je vais te donner un exemple, moi je l'ai rincé, je fais des soirées, etc. C'est-à-dire que je lui fais un petit resto, tranquille tu vois. Petit resto, quand je suis à la maison, j'oublie ma carte bleue dans la voiture, le gars me dit passe tes clés, je vais chercher ta carte bleue. Je suis chez lui. Non mais je suis chez lui, on est en train de manger, je dis je peux pas parce que là j'ai pas la carte bleue, il me dit c'est pas grave. La voiture qui est garée à 1 km, il a fait 1 km aller-retour. Il offre le gîte, ouais, il offre le gîte mal cuit. Ouais. Et le mec derrière, on fait une sortie pour les NMT là, Energy Music Tour. Ouais. On s'arrête sur une aire d'autoroute et je dis Sylvain, prends-toi à manger, Énergie va te rembourser ton truc du midi. Donc on avait 10 euros, on a un forfait de 10 euros pour s'acheter un petit sandwich. Le mec, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, vas-y, prends en charge. J'ai dit, quoi, prends en charge? Énergie vont te rembourser, frérot. J'ai dit, t'as 10 euros de repas, prends tes 10 balles de sandwich et reviens avec ton petit ticket comme tout le monde. Voilà. Et tu leur donnes, ils vont te rembourser. Mais ils te remboursent quand? Ils te remboursent 4 semaines après. Jusqu'à 4 semaines. Ça fait des notes de frais, frère. Mais non, mais l'argent-là, je les tue pas. Pendant 4 semaines, j'ai plus cet argent-là. On a toujours pas été remboursé, Sylvain, en plus. Ah, voilà, mais non, c'est pas vrai. Et du coup, ce con, il a 6-7 euros pour bouffer, hein, d'équivalent d'un ticket resto. Le gars, il avance pas la. Il préfère crever la dalle que d'avancer l'oseille pour bouffer. J'ai attendu Catherine. Il a attendu Catherine, c'est-à-dire il a attendu d'arriver le soir et qu'il y avait la cantine du soir. Mais il est resté à crever la dalle, debout depuis 7h du matin. Agen, il est arrivé, il a bouffé qu'à 20h pour 6 euros remboursés, Sylvain. J'avais pas faim de toute façon. Non, mais tu vois, c'est un rapia terrible. Bah, Sylvain, c'est le genre de mec, tu lui donnes la main, il te prend le bras. Il te prend tout, c'est ça. Et t'amuses pas à lui donner ta queue. Tony, merci d'être passé. Je te fais plein de bisous, merci, mon Tony. À vous. Bah, plein de bisous à vous aussi et continuez comme ça, vous êtes super. On t'aime, mon Tony. C'est un petit cadeau. Bisous mon Tony. Quel bonheur de vous avoir avec nous les amis. Il va y avoir le canular de la nuit juste après. Taki taki sur Énergie de DJ Snake. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anonaki. No le baje, el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Touch it and tease it and squeeze it. When my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. I could keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Get high in the party, it's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie gives on. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. C'est le Canui. Arrêtez tout. Écoutez. Tout le monde est en danger. C'est le Canui. Le canular de la nuit sur Énergie. Yes! Massara, c'est l'appel à votre avis dans ce canular de la nuit. Ouais. J'appelle des gens, je leur demande à leur avis pourquoi je les appelle. Et si évidemment ils me disent quelque chose de plutôt précis, eh bien je crée une histoire complètement folle autour. Je me fais passer évidemment pour un commissaire hein, pour poser toutes ces questions. Massara, où est-ce qu'on va ? Alors on va dans la région Midi-Pyrénées et c'est monsieur Ben Yaya. Et en fait quand je l'ai appelé au hasard dans l'annuaire, comme je fais d'habitude, il m'a parlé direct d'amende, de son patron. J'ai pas très bien compris, c'est embrouillé. Donc d'accord. Je lui ai dit écoutez, commissaire Latour, il va vous appeler. On va voir avec lui de quel bois vous vous chauffez. Très bien. Voilà. Ben Yaya. Ben Yaya. Monsieur Ben Yaya. Oui c'est ça monsieur commissaire. Monsieur Ben Yaya. Oui monsieur Ben Yaya. J'ai dans le pif. C'est l'appel à votre avis, on y va, je l'appelle. On a tous quelque chose à se reprocher. Et Rico a décidé de vous faire cracher le morceau. Alors, à votre avis, pourquoi il vous appelle ? Allô ? Oui, bonjour monsieur Ben Yuyu ? Non, c'est pas Ben Yuyu, c'est Ben Yaya. Ah, bonjour monsieur. Monsieur Latour à l'appareil. Je vous appelle puisque je suis commissaire de police, hein. Bon, à votre avis, pourquoi je vous appelle ? Oui, c'est pour les je sais pas quoi, les voitures de société, d'excès de vitesse, tout ça. Donné, moi, j'ai rien à voir, je suis même plus dans la société, donc plus le principal concerné, quoi. Monsieur, vous avez eu des amendes. Non, mais c'est pas moi qui ai eu des amendes, c'est la société qui a eu des amendes. Et je suis même plus dans la société, donc. Monsieur, la loi a changé. Aujourd'hui, c'est nommé. On a eu votre patron au téléphone, vous avez une bonne dizaine d'amendes, hein, qui vous concernent. Comment ça, vous avez mon patron au téléphone ? Oui. Il vous a dit quoi ? Eh bien, il a fait le tri entre les siennes et les vôtres. Et moi, j'ai 10 amendes. Vous moquez, mais c'est pas possible. Non, une dizaine d'amendes, monsieur. Que vous devez impérativement, qui ont été majorées, hein, chacune d'entre elles. Mais attendez, vous avez dit quoi ? Je comprends pas, parce que les amendes, je comprends pas, c'est de la société, ça n'a rien à voir. Non. Moi, les amendes, je les ai payées. Je les ai payées, celles que je devais, je les ai payées. Non, monsieur, il y a des amendes aujourd'hui qui doivent être nommées. Donc, il a fait le tri et il doit attribuer une nouvelle loi qui est passée depuis le 1er janvier 2018. Il doit nommer impérativement les collaborateurs qui ont commis les infractions et vous avez été nommé. Donc vous, à l'heure actuelle, vous avez tout le nom des collaborateurs et toutes les amendes qui y réfèrent. Non, ça dépend du patron de la société qui nomme effectivement par amende. Donc vous me dites que mon patron m'a nommé moi titulaire de 10 amendes non payées, c'est ce que vous me dites. Exactement. Non mais attendez, je comprends pas bien l'histoire, c'est que moi j'ai rien à voir. J'ai un véhicule de fonction, on fait que des déplacements, d'accord ? À chaque fois qu'il y a une amende, vous me l'a dit, on l'a réglé, il s'en est occupé, donc maintenant, moi j'ai rien à voir, je suis même plus dans la société. Ça suffit ! Vous me criez dessus, vous prenez pour qui ? Ça suffit ! Je vais te foutre en cage, hein, Ben Yuyu ! Alors, pourquoi vous me criez dessus ? Parce qu'on est là pour régler des soucis, Ben Yuyu. Alors tu vas te calmer. Vous ne me criez pas dessus, vous ne manquez pas de respect, je ne vais pas manquer de respect, non ? Tu vas te calmer, Ben Yuyu. Mais je suis calme, je vous dis juste ce qu'il a mis. Voilà, sinon moi je te fous au trou, hein. Je te le dis, hein. Tu vas te détendre pendant une trentaine de jours, puis tu ressortiras quand t'es calmé, Ben Youyou. Ce sont des amendes qui... Alors tu vas comprendre, Ben Youyou, ce sont des amendes qui sont issues... Ben Youyou, tu vas comprendre que les amendes, elles sont faites par la société. On a un patron qui nomme directement les employés qui ont eu les amendes. Est-ce que tu comprends ça, Ben Youyou? Oui, ça je le comprends. Bon, contre, alors terminé. Terminé, t'as été nommé. T'as été nommé, d'accord? Si tu veux pas finir au trou par prévention, tu la boucles et tu m'écoutes, Ben Youyou. D'accord? Bon. Ah donc maintenant, on finit au trou pour des amendes. Je comprends on pas. File pas au trou. Je te mets en détention provisoire, de peur que tu quittes le pays le temps que tu règles tes dettes. Aujourd'hui, on a le pouvoir de te mettre là-dedans. On te met en centre de rétention. C'est pas le bonheur là-bas. Donc tu te détends. Tu te détends. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Latour. Je suis commissaire, monsieur. Alors vous détendez. De quelle organisation? Juste que je sache, je suis en droit de savoir qui m'appelle. Alors moi, je suis commissaire divisionnaire Midi-Pyrénées. D'accord? Monsieur Ben Youyou, moi, la solution, elle est toute trouvée. J'ai l'impression que votre patron me ment. Est-ce qu'il me ment? C'est pas un sentiment, c'est une vérité. À un moment donné. Bon. Moi, j'aimerais. Moi, j'ai jamais fait 10 excès de vitesse ou 10 trucs comme ça. Je sais que j'en ai fait, mais à chaque fois que j'en ai fait, j'ai réglé. D'ailleurs, j'en ai fait derrière moi. J'ai réglé, les points ils m'ont été affairés à moi, il n'y a eu aucun souci. Très bien. Moi, ce que je veux, c'est votre témoignage. J'ai une affaire avec lui, d'accord? Avec votre patron, qui n'a rien à voir. Je vais vous libérer de ses amendes. Vous allez bénéficier d'un passe-droit concernant cela. Mais il va falloir. Je vous explique. Allez. Il va falloir m'aider un petit peu sur ce dossier, sur cette personne. J'ai un autre dossier qui le concerne, un autre dossier judiciaire. J'ai besoin de votre appui. Je vous demande juste de me décrire ce personnage, mais faites-moi une description plutôt salée. Voilà, moi derrière je vous protège et ça me permet de l'écrouer. Et vous derrière. Non, mais c'est pas possible, c'est un coup. Non. J'aimerais savoir ça. Je vous explique. Je vous explique. Vous la fermez, Ben Youyou. Merde. Non, mais j'étais pas de la fermer. Pourquoi vous parlez comme ça? Je vais vous expliquer, Ben Youyou. Vous êtes dans la merde jusqu'au cou. Je vais vous libérer. Je vais vous permettre d'être tranquille et vous la fermez. Je vous explique, Ben Youyou. Moi j'ai un souci aujourd'hui avec votre ancien patron, d'accord? Qui a commis des méfaits terribles. Je tairai les faits et je n'irai vous l'avoir dit. Aujourd'hui, moi ce que je cherche à travers cette enquête concernant les amendes, c'est vous disculper de ces amendes-là, mais en contrepartie, il faut me donner du biscuit. D'accord? Comment était-il? Allez-y, corsez-moi un peu l'affaire. On ne me demande pas de dire des choses qui sont fausses alors qu'ils sont pas alors que truc. Donc à un moment donné, voilà quoi. On se met à table ou je fais une rétention de votre permis de conduire? Vous voulez que je vous dise quoi? Prenez-les mon permis de conduire, vous voulez que je vous dise quoi? Allez, j'ai rien à vous dire. Il est comment votre patron? Il est normal, c'est un patron normal, moi je travaille, c'est tout. Vous la fermez, Ben Youyou. Alors, est-ce qu'on se met à table ou pas? Il se mettra pas à table là. Oh, t'es un malade. Hey, j'ai tout fait les gars. Ah, ouais. J'ai tout donné pour qu'il crache sur son patron. Ouais. On est tombé sur quelqu'un d'honnête. Ouais. Un monsieur Ben Gaïa, oui. Que j'embrasse très fort. C'est toujours énervant quand on prononce mal votre prénom. Ah, ouais. Hein, Sylvain Poteau. Monsieur Connery. Monsieur Connard. C'est vrai. Emeric Connery, c'est un petit peu mon nom. Les amis, vous le savez, on n'a pas eu le temps de faire la battle de Tinder, ouais, comme tous les jeudis. Bah oui, émission exceptionnelle. Sachez qu'on le reportera demain. Eh oui. C'est énorme. Je sais que Sarah, t'as chauffé. Fait plein de nanas. Oh, Sylvain et moi, en fait, on va incarner un profil d'un mec qui s'appelle Enzo, d'accord? Ouais. Et du coup, on est tous les deux dans la barbe, dans la coiffure, et on va draguer sur un pied d'égalité, ouais. D'accord? Ah, ouais. Comme ça, on verra qui est le meilleur dans la moustache. Allez. On va voir ça. Et qui est le plus grand dragueur? On se fera ça demain, dès 20h, ça va être énorme, les amis, soyez bien là, on va se régaler, on ira en week-end, et puis si vous êtes déjà en vacances, on vous accompagnera sur le week-end, et puis voilà, on est avec vous tout le temps. Merci les amis, hein, tous ceux qui étaient là aussi hier pour les 8 heures de direct, c'était énorme. 20h, 4h, on s'est régalé. Ce soir, on s'est régalé. Je vous dis à demain, 20h. Et n'oubliez pas l'important dans la vie. C'est faire ce qu'on aime. Je vous aime très très fort les amis. Merci d'être là, vraiment. Je vous kiffe trop. C'est ouf. Allez les amis, on y va. C'est Best of de Michael là. Allez, c'est parti. Juste après Shotgun. Ah, demain. Allez, demain, 20h, on est là. Je vous aime. Ciao. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. A deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Michael est à Miami. Toff, Polo et Amina sont à Miami. Ils sont là sans être là. T'as compris? Ils sont en vacances à Miami. On t'a dit qu'on était à Miami? Rassurez-vous, il y a le best-of dès 23h sur Énergie. On a Elisabeth qui est avec nous maintenant en Marseille. Salut Elisabeth. Allô? Ah, Elisabeth? Oui. Ah voilà, oui. T'entendais pas. Comment Salut. Tu vas? Ça va et vous? Bah écoute, ça va bien Elisabeth. Bon alors, qu'est-ce que t'as passé un bon week-end? Oui, ça va très bien et vous? Bon, ouais, ouais, nickel. Et une jolie voix Elisabeth. Ben hein oui, ou quoi t'es, ah, ça y est ton... Bon petit ou gros? Oh, oh ah, merde, on a même pas le temps de commencer à discuter. Putain, on veut même lui faire un compliment. C'est dingue ça quand même. Ah parce que petit ou gros bouffe, t'appelles ça un compliment toi? Mais je parlais pas de ça. Je suis choqué. Choqué. Oh, vas-y, je parle totalement même plus, choqué. Relâche, choqué. Vous jouez de moi. Ouais, c'est ça, ouais. Le voilà. Boudin anal là. Ouais, c'est ça, mais je te jure. Bon bref, de quoi on va parler avec toi Elisabeth? De mon ex. Bon, bah très bien, bah bouge pas, on va en parler, d'accord? T'as pas d'accent, Elisabeth? Non, t'es de Marseille? Comment? Ou tu... Oui, de Marseille, oui. Non, mais t'habites. Je parle comme ça? Non, non, mais c'est pour voir si, si t'habitais là ou si t'étais juste. Oui, non, j'habite à Marseille, c'est ça. D'accord, ok, très bien. Bon, alors, Elisabeth, tu nous parlais oui. de ton ex, toi, c'est ça? Et bon, qu'est-ce qui se passe avec ton ex? En fait, on s'est séparés en décembre. Oui. Parce que, enfin, voilà, c'est la vie. Oui, oui, bah et, oui. voilà. Et en fait, c'est un gars qui n'est pas du tout réseaux sociaux, etc. Pas du genre à mettre plein de photos sur Facebook et compagnie. Ouais. Et quand on s'est séparés, il m'avait demandé de, si jamais je me remettais en couple, de ne pas le mettre sur Facebook ou quoi, parce que c'est la chose qui pourrait vraiment lui faire le plus de peine. D'accord. Parce que moi, je ne me suis pas remise en couple parce que, enfin, voilà, j'étais occupée par mes études, etc. Et un jour, j'ouvre Facebook un matin et je vois quoi? Sa nouvelle photo de profil avec une jolie jeune fille, avec plein de cœurs, love to love, etc. Donc j'étais un peu choquée sur le coup, mais bon, pas jalouse ou quoi, mais juste un peu choquée. Ouais. Et en fait, je capte que depuis, il traque limite mes réseaux sociaux, c'est-à-dire que genre dès que je mets une story sur Snapchat, c'est un des premiers à la voir ou des trucs comme ça. Donc en gros, moi, je me demandais si est-ce que je me fais des films, est-ce que... qu'il est en couple, il a l'air content d'être en couple. Eh ben tant mieux. Sa copine, elle est très jolie. Je suis pas jalouse, mais attends, là, pourquoi... Mais quand même, cette connasse. Elle est pas belle, je suis salope. Belle. Non, quand même pas. C'est si un gros cajot. Tant mieux, tu vois. Non, s'il est content, c'est tant mieux pour lui, tu vois. Je lui souhaite vraiment pas de mal ou quoi que ce soit. Mais du coup, je me demande vraiment, c'est un gars qui n'est pas du tout réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il vient regarder bah, dans peut-être, mais il y a que les imbéciles, ils ne changent pas d'avis. Hein. Mais peut-être oui, qu'il il a... manque. Peut-être qu'il a changé d'avis, tout simplement, et voilà. Attendez, l'analyse d'Amina. Bah oui, oui. Attends, attends, mais j'ai l'analyse d'Amina. Le boudin fécal stimule la zone érogène. Ah bah voilà, ah, ouais, bah voilà, tout, bah voilà, tout est analysé là. Arrêtez l'invention. Ça, c'est... tout est analysé. Tout est analysé. Non mais je sais pas, Elisabeth... En même temps, voilà, il a peut-être changé d'avis. Tu sais, il y a des gens comme ça qui sont anti réseaux sociaux jusqu'au moment où ils arrivent à se faire convaincre, où ils décident de passer le cap et de s'en ouvrir un. Ils se rendent compte que c'est rigolo et puis voilà. Ouais, peut-être, mais du coup, ça, je trouve ça drôle que juste à partir du moment où il s'est mis en couple avec sa nouvelle copine, que d'un coup, il se mette à traquer mes réseaux, en fait. Genre, est-ce qu'il l'a mis sur Facebook pour que je le voie dans un sens, oui. Pour me faire un peu bader? Mais pas forcément. Il veut juste voir ce que je fais. Voilà, quoi. Est-ce qu'il est comme ça de base, quand tu sortais avec lui, est-ce qu'il était comme ça dans l'espèce de, tu sais, se montrer, vouloir prouver des choses ou pas? Bah non, pas du tout. Genre franchement, tu sais, il y avait Facebook, mais genre c'était limite que pour communiquer avec ses potes. Bah donc c'est qu'il le fait bêtement ça, pour faire plaisir à la meuf, je pense. Peut-être. Après, c'est peut-être pour faire plaisir à la meuf. Ouais. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Faut voir comment la meuf a réussi à le retourner. Hein. Ouais, quand même, tu vois, mais enfin, quand même pour changer tout comme ça. Enfin, je trouvais ça drôle. Oh ben, attends. Et tu sais que moi, je connais quelqu'un. Il était, il était avec une meuf. Tu sais, genre, il sortait, jamais. Ah non, pas du tout. C'est pas ça, non. Il était, tu vois, il était toujours casanier, machin. Enfin voilà, c'était sa vie pépère. Un jour, c'est fini avec la meuf. Il en a rencontré une autre et c'est devenu complètement l'inverse. Mais quasiment du jour au lendemain. Tu te demandais si le mec, en fait, il était pas juste bridé et que le seul truc qu'il attendait, c'était, sans le savoir, hein, mais qu'il attendait, c'était d'avoir quelqu'un d'autre pour devenir enfin lui-même. Ou peut-être, justement, il était lui-même, mais il aimait pas et il est devenu cette autre personne. Après, on aime ou on n'aime pas, mais t'as des gens comme ça qui effectivement changent du tout au tout pour tourner la page. Oui. C'est possible. Hein. Je pense que sa nouvelle copine, ça joue aussi parce qu'elle est beaucoup plus jeune qu'elle et plus jeune que moi aussi. Bah attends, mais t'as 22 ans et à quel âge Elle a 18 ans et lui, il en a 25. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Ok, d'accord, j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. À ce moment-là, peut-être qu'il a pas trop le choix. Si la meuf, elle a 18 ans et qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux, il va passer pour un vieux ringard. Bah oui, non, mais attends, c'est clair. Ouais, c'est bon, qu'aujourd'hui. Que ça quand même. Non, mais toi, t'es sur Facebook, t'as quand même. Ou rien. Snap et tout, enfin, normal. Bon, bah voilà, si t'as à partir du moment où t'as Snap, tout ça. À la limite, Facebook, c'est presque devenu le réseau pour les vieux. C'est ça, exact, ouais. Et après, t'as les autres, quoi, tu vois. Ah ouais, mais surtout, nous, on l'utilise quasiment que pour la fac ou les trucs. Bah voilà, non, mais c'est vrai. Bah à la base, c'est pour ça que c'était fait, hein, Facebook. Hein. C'était pour le bahut, hein, à la base. C'est vrai. Mais bon, mais voilà, après, regarde, même moi, je suis pas sur Snap. Enfin, si, en fait, je suis dessus, mais je n'ai pas accès à Snapchat parce que ces connards ne veulent pas me renvoyer mon code. C'est scandaleux. Donc, du coup, il y a bien un M.I.K.L. officiel qui est le mien. Mais tu peux pas t'en servir. Eh ben non, parce que j'ai pas le code. Bah oui, mais si tu l'avais pas perdu. Bah écoute, qu'est-ce que je te dis? Est-ce que les mecs en général, enfin ou quoi, vous êtes genre un peu après une rupture ou quoi, aller un peu voir ce que la meuf elle fait, oui. Elle passe, etc. Mais non, mais après ça dépend de la situation, ça dépend de comment ça s'est cassé, ça dépend si c'est toi qui as cassé ou si c'est lui. Parce que si c'est lui qui t'a viré, bah il y a aucune raison qu'il fasse ça. Si c'est toi qui l'a viré, non, sans lui donner de raison. Ah voilà, c'est toi qui l'a viré et pour quelle raison? Bah parce qu'en fait on n'habitait pas dans la même ville et moi j'étais dans une année de licence où c'était super important que je bosse pour mes masters, etc. Et j'ai un boulot étudiant à côté, donc ce qui fait que j'ai vraiment très peu de temps pour bosser mes cours, voir ma famille, etc. Ah ouais. Donc c'était super compliqué de se voir et enfin du coup les circonstances ont fait qu'on s'est séparés parce que vraiment on avait... C'était super compliqué en fait de trouver du temps pour faire les devoirs. Ouais. Non, mais je comprends ça. Mais ça se trouve, lui, t'es encore en kiff sur toi. Et bon, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, il le fait exprès pour te dire regarde ce que t'as raté, tu vois. Ça, c'est possible aussi. Hein, ouais, regarde ce que t'as dégagé. C'est possible. Bah, après, tu sais, s'il a mis. S'il a mis. Comment on appelle ça? S'il a mis un push sur certaines personnes, une notification, voilà. S'il reçoit l'info, il la regarde. Ouais, je sais pas. Moi, par exemple, je sais que je ne préfère pas regarder la story de quelqu'un. Uniquement pour qu'il ne voit pas que je l'ai vu.